Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique Geek, l'émission Geek en fait, hein, on peut se le dire, dans un format un petit peu spécial puisque nous essayons de combattre cette petite ambiance un petit peu maussade qui s'est installée sur notre contrée avec l'arrivée du coronavirus, en vous proposant le plus régulièrement possible des petits podcasts en direct pour vous parler de nos différentes geekeries. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, j'ai avec moi Spider-Matt. Salut. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le petit Dramout. Dramout qui est souffrant. Avec suspicion de Covid-19, mais Dramout va bien, rassurez-vous, avec une petite fièvre, une légère toux et des petites douleurs anales, mais qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, et nous lui faisons un énorme bisou. Pour m'accompagner également ce soir, j'ai Nico de la chaîne Jules et Nico et du collectif lescomics.fr. Coucou. T'avais pas eu le temps de finir tes geekeries la dernière fois, donc c'est bien normal qu'on te réinvite. Merci beaucoup. Et voilà, on te considère pas non plus comme un invité spécial, parce que finalement, t'es un petit peu tout le temps dans cette émission, toi aussi. C'est pas faux. Hein, voilà. Merci beaucoup. On n'a pas invité Jules, hein, parce qu'on en avait marre, hein, on peut le dire aussi. qu'il était tout le temps là et qu'au bout d'un moment, on a dit, faut que t'arrêtes de venir, toi. Hein. Donc, mais on lui fait un gros bisou et surtout, on le remercie beaucoup pour une fois de plus cette miniature absolument incroyable, alors qu'il s'était couché très tôt ce matin pour pouvoir rendre son travail. Voilà, parce qu'il fait du télétravail la nuit. Donc, un grand merci à mon cher Jules et on te fait un très très gros bisou. Également, là, ce soir, on aura deux invités absolument majestueux. Et le premier, c'est Jérém de la chaîne Les Comics de Jérém. Comment vas-tu, Jérém ? Ah ben bonsoir, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, j'ai envie de dire. C'est un très heureux plaisir, d'être là. Mon petit poulet, ça fait super plaisir de pouvoir faire un petit podcast live avec toi. Ça fait longtemps qu'on voulait en faire avec toi, dis donc. On a réussi à t'avoir. Hein. Ouh, c'était pas facile. Non, mais je suis super content d'être là et de partager avec vous dans ce live un peu particulier. Donc, comment non, c'est ça, cool. En plus, parce que j'ai une vignette un peu spéciale, moi, ce soir, quand même. Ah, t'as des arguments frappants. Deux gros. Bref. Donc, j'ai aussi pour m'accompagner ce soir un invité voilà, qui me tenait tout particulièrement à cœur, parce qu'il fait partie des vidéastes qui m'ont donné envie de me lancer dans les petites vidéos avec Rétrophile, le baron d'ici, le seul, l'unique, le seul fan de Nightwing en France, Mister Yanda. Comment vas-tu, Yanda ? Du collectif, les comics.fr aussi. Salut tout le monde, salut Jay, bonsoir et merci, ravi d'être là. T'es mon héros, tu le sais ? Ouais, je sais pas si c'est forcément une très bonne chose, mais c'est gentil, merci. Écoute, tu le prends comme tu veux, ça fait plaisir. Ouais. Je vais le prendre, voilà, je prends. Avant de commencer, on voulait faire aussi une bise à Florent, qui est Florent Bulle, Pistolet Bulle, qui est sur le chat, qui lui aussi était malade ces derniers temps. Il a l'air d'aller un petit peu mieux, parce que ce soir, il se soigne avec un whisky coca, donc autant vous dire qu'il a la pêche, et on te fait un gros bisou, mon cher Florent, on te souhaite un prompt rétablissement à toi et à ta famille, en espérant que tu guérisses super vite. Et également, avant de commencer ces petites geekeries, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand garçon, qui doit nous écouter en haut avec sa maman depuis l'étage, et qui a eu 8 ans aujourd'hui. Donc je te fais un très très gros bisou, mon fils, je t'aime, un très joyeux anniversaire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous êtes content d'être là ? Oui. Vous me dites. Ravi. Si ah oui. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Et on va pouvoir commencer les geekeries. Donc, ce soir, Spider-Matt aura deux geekeries, Nico deux geekeries, j'aurai moi-même deux geekeries, Jérém aura trois geekeries et Yanda. Eh ben, monsieur s'est octroyé 4 geekeries hein, ce soir. Alors non, je tiens à apporter une précision. J'ai négocié pour en avoir une quatrième. Je me suis rien octroyé du tout. On m'a dit c'est 3. J'ai dit ok, est-ce que je peux en avoir 6? On m'a dit voilà. Non, 4. J'ai dit je prends. Voilà. C'est de la négoce de commerce. C'est du basique. Hein. Mais voilà. C'est tout à fait ça. Mais c'était bien tenté. Et en plus, c'est des belles geekeries, donc je suis super content. Tu puisses nous les présenter. Mais on va pas commencer avec toi, mon petit poulet. On va commencer avec Spider-Matt, qui va nous parler du Green Lantern Emerald Twilight qui vient de sortir il y a quelques jours du côté de chez Urban Comics. Exactement. Dans la collection DC Essential, avec le carré rouge bien dégueulasse sur le Confidential. Dos. Confidential. Confidential, c'est ça. Laisse Yanda, je m'en occupe. Ouais, je vais avec Tiffy. Tu vois, une phrase, déjà, tu commences à l'énerver. Non, mais c'est dommage parce que cette collection, elle n'est pas très belle visuellement, je trouve, la couverture, enfin bref. Donc, on avait donc la Green Lantern Emerald Twilight, que tout fan de Green Lantern voulait lire, hein, parce que dans le run de Jeff Jones, il y a beaucoup de rappels par rapport à ça. Au fait que Hal Jordan, à un moment dans son histoire, a pété un câble, a succombé à Parallax et a décimé Apple Corps. Donc voilà, c'est toujours un truc que j'adore vraiment Green Lantern, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, un univers que j'apprécie vraiment beaucoup. Le run de Jeff Jones est absolument incroyable, Blackest Night c'est du bonheur en barre, enfin c'est vraiment un univers que j'aime particulièrement. Et donc je voulais vraiment lire cette histoire. Donc Urban a annoncé cette sortie et j'étais un peu comme un fou. Et je l'ai lu la semaine dernière et j'ai pas aimé. Mais alors, pas du tout. Après, il faut dire aussi que ce moment où Hal pète un câble, ça tombe aussi un peu dans l'event Zero Hour, je crois que c'est, si je ne me trompe c'est pas. Ça. Et donc, l'histoire commence. Moi, je m'attendais un peu à une montée en puissance de la dépression de Hal, et en fait, je trouve que c'est beaucoup trop abrupt. Il n'y a pas vraiment de montée en puissance, c'est je suis sain d'esprit, deux secondes après je suis fou et je veux tuer tout le corps et mes potes de longue date que je connais depuis des années. Donc, j'ai trouvé ça un peu mal amené. La bataille quand ses anciens coéquipiers se dressent contre lui, en fait il y a trois gars qui se dressent contre lui, en fait moi je m'attendais vraiment à une armée qui essaye de l'arrêter, donc j'étais aussi un peu déçu. À un moment, ils arrivent sur Oa. En fait, il m'a fallu plusieurs cases pour comprendre que c'était Oa parce que je pensais qu'on était en Ardèche. J'étais un peu dérouté. Ensuite, donc, on passe après avec Kyle Rayner, donc, qui apparaît à cette époque. Donc voilà, Kyle chope le dernier anneau, ça on le sait déjà et tout. Donc il y a beaucoup de moments sur Kyle. Et ensuite, alors là, c'était un peu la douche froide, parce que tout ce qui est confrontation entre l'univers DC, les autres héros, Kyle et Parallax, donc Hal, en fait, c'est résumé en une page, en plein milieu, par Urban, parce que ça rentre dans l'event Zero Hour, et que du coup, tout ça, on ne le lit pas, en fait. Et non. Voilà. Et donc là, je me suis dit, mais merde. Et après ça, on reprend. Donc, la suite de la suite et fin de la confrontation avec Hal et Kyle. Et là, c'est juste. Je me croyais vraiment dans des récits des années 60. C'était je suis méchant, je regrette, je suis pas méchant. Oh, mais c'était pas grave, t'as merdé, ça va aller. Je me suis dit, mais on est où là? On est où? Et jusqu'à la fin, en fait, je me suis dit... Après, donc, Urban nous résume encore un petit peu l'histoire d'ici et tout, ce qui s'est passé avec tous ces events, machin. Mais non, j'ai vraiment... j'ai trouvé les scénarios vraiment mal amenés, grossiers, mal écrits. Pas dramatique. Moi, je m'attendais vraiment à une histoire de fou. Pas dramatique. Donc, OK, on est dans les années 90, mais je m'attendais quand même à un truc un peu... Voilà. Un peu plus subtil, en fait. Et il manquait ça, en fait, un peu cette subtilité. En fait, du drame. Moi, je m'attendais vraiment à du drame, quoi. Mmh. Et non, en fait, donc rien du tout. Plus cette page, résumée par Urban, un peu à l'arrache, qui tombe là comme ça. Je m'y attendais pas, parce que voilà, cette période, je connaissais pas. Donc voilà, une grosse déception. Donc au moins, je me dis que j'aurais lu ce passage, ce qui a amené à après quand il revient plus tard dans le run de Jeff. Donc voilà, mais ouais. Et la création de Kyle Rayner. Oui, voilà, la création de Kyle Rayner. On pourrait dire que c'est la seule chose positive de ça, en fait. Mais ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment été déçu. Je ne crois pas. Jérém, je sais pas si tu l'as lu. Nico non plus. Pas du tout. Ouais. Non, je l'ai pas lu. Eh ben, je vais me tourner immédiatement vers toi, mon cher Yanda, parce que je pense que toi, tu le connais. La parole est à la défense, c'est ça? Moi, je défendrai un petit peu aussi. En fait, alors c'est vrai que pour moi c'est compliqué. Ouais, je l'ai lu. Pour moi c'est compliqué, mais ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses parce que ton avis Spider-Man rejoint d'autres avis que j'ai pu avoir, notamment par James de Comics Discovery, où en fait pareil, c'est un récit, Emerald Twilight, c'est un récit hyper emblématique pour l'univers Green Lantern. Ça, c'est effectivement le cas. D'une part, pour l'arrivée de Kyle Rayner et le pétage de câble de Hal Jordan, mais c'est un très mauvais point d'entrée. Parce que le pétage de câble de Hal Jordan est donc lieu à la destruction de la ville de Coast City, qui est détruite au cours de l'event La mort de Superman. Donc, un autre gros event. Ça tombe effectivement en plein milieu de Zero Hour, et donc tout l'affrontement qui est résumé en une page par Urban dans ce bouquin-là, mais c'est parce que effectivement ça ne fait pas partie de Emerald Twilight, ça fait partie de Zero Hour, et donc du coup publier Zero Hour au milieu d'Emerald Twilight, c'était pas possible non plus, parce que les concepts impliqués dans Zero Hour, on trouve de l'hypertime, on trouve des réalités alternatives, etc. Si tu veux faire ça dans un tome unique pour accessible à tout le monde, c'est juste impossible. Et en plus de ça, je suis assez d'accord que le récit, et notamment toute la partie sur Kyle Rayner, a assez mal vieilli. C'est du fin 90, mais du fin 90 bien stéréotypé. Donc voilà. Après, moi, j'ai effectivement, quand j'ai lu et relu là, le background affectif pour Hal Jordan et pour Kyle Rayner aussi, ont un peu obscurci mon jugement et j'ai toujours autant de plaisir à le lire et notamment à voir ce pétage de câble de Hal Jordan. Mais parce que, effectivement, je sais l'importance qu'avait Coast City et tout ce que et tous les habitants et notamment ben voilà sa mère, sa petite amie, tous les souvenirs qu'il y a, etc. par rapport à son père. Donc effectivement, j'ai beaucoup plus de facilité, on va dire, ou d'empathie à me dire ouais, je comprends qu'il pète un câble. Mais quelqu'un qui va découvrir et le récit et encore plus Hal Jordan, ouais, effectivement, je comprends que ça puisse être compliqué. Donc, pour la collection DC Confidential qui se veut être des titres accessibles à tout le monde et en one shot, bah, le premier Cry for Blood de Greg Rucka, Bachman et Huntress faisait super bien le boulot. Sur celui-là, c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aurais bien voulu lire le Huntress, malheureusement, ça n'a pas été possible. Bonsoir Spider-Man. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à enfin, moi tu vois je rejoins complètement ton avis Yandos et moi j'ai pris du plaisir en le lisant parce que j'ai retrouvé ce que j'étais venu chercher donc le pétage de plomb d'Hal Jordan et l'arrivée de Kyle Rayner avec tous les défauts que peut avoir ce titre et surtout avec l'absence de Zero Hour après à mon sens hein, je l'ai toujours pas acheté mais je l'achèterai c'est sûr et certain parce qu'en bon fan de Green Lantern j'ai envie de posséder ça dans ma collection malgré tout. Mais la question que je me posais que je voulais te poser du coup Yanda c'est est-ce que d'après toi il n'aurait pas été possible de faire un petit peu comme à la manière dont a été édité Infinite Crisis par Urban, de faire un événement Zero Hour, peut-être en 1, 2, 3 tomes, et d'inclure Emerald Twilight à l'intérieur de ce truc-là, pour avoir vraiment une espèce d'événement aussi complet et vaste que possible. Parce que là, du coup, ça donne un peu un tome un peu bancal. Ouais. Alors si, ça aurait été possible. Pourquoi ils l'ont fait comme ça, c'est vrai que là, je ne sais pas. Mais ça aurait été possible, d'autant qu'en règle générale, surtout sur les gros events comme ça, ben voilà, tu prends l'exemple de Infinite Crisis, Urban, dans leur publication, ils sont quand même assez complétistes et on a généralement l'event, les tie-ins et tout le fatras qui va avec. On se retrouve avec des trucs super imposants. Après, mon hypothèse, c'est que du coup, en intégrant Emerald Twilight dans une publication de Zero Hour, alors après, Zero Hour, c'est 5 numéros, hein. C'est pas un truc énormissime. Mais est-ce que ça n'aurait pas du coup atténué un petit peu l'importance de ce pétage de câble de Hal Jordan et après, du coup, du passage de flambeau un peu forcé de Kyle Rayner parce que bah, historiquement parlant, à partir du moment où Hal Jordan donc, pète un câble et devient Parallax, il revient en Green Lantern au moment où Geoff Jones prend le titre et il y a presque 10 ans à peu près, quoi, entre, on va dire, 7-8 ans qui se passent. Et pendant ce temps-là, c'est Kyle Rayner qui officie. Et Kyle Rayner, on le retrouve après dans plein de récits où il n'est plus du tout comme il est là. Il est vachement plus intéressant et beaucoup plus approfondi. Donc je pense que du coup, l'impact de ce récit-là aurait été amoindri s'il avait été publié au sein de Zero Hour ou même d'un truc un petit peu plus large. Donc c'est pas facile, mais ce qui moi me surprend un petit peu plus, c'est qu'on n'est pas par contre en parallèle de cette publication là dans DC Confidential, la publication de Zero Hour. Ouais, c'est parce que voilà, si tu veux juste le truc emblématique parce que tu connais ou parce que t'as pas envie, tu prends sur le DC Confidential. Mais voilà, typiquement, un lecteur du type Spider-Man qui a lu Green Lantern Geoff Johns, qui a adoré, qui lit ça parce que Geoff Johns y fait des références et qu'il a envie de savoir, il manque un morceau dans le truc, quoi. Après, j'ai dans l'idée qu'à un moment ou un autre, ça finira par sortir. Ça serait effectivement plus qu'intéressant. Après, on a une réflexion de Secteur 2814. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son site, son podcast, merde, comment on dit, son blog. Ouh là là, je perds mes mots, je suis pas sûr d'aller au bout de mes deux bières, moi, ce soir, hein, je vous le dis. Ça part mal, cette histoire. Il nous dit, et si on avait fait une grosse intégrale Emerald avec les trois étapes, Dawn, Twilight et Night, que je connais pas du tout. Alors, moi, carrément, je prends tout de suite, parce que en plus, Emerald Knight, c'est vachement bien. Emerald Knight, c'est, pour vous pitcher un peu le truc, en fait, c'est pareil, c'est suite à Zero Hour. En fait, Kyle Rayner se retrouve à faire, suite à un micmac de timeline et de temps, se retrouve à faire équipe avec un Hal Jordan avant qu'il pète les plombs. Donc, Hal Jordan, Green Lantern, fait équipe avec Kyle Rayner, Green Lantern. Et c'est très cool. C'est très très cool. Oui, alors carrément, ça aurait aussi pu être tout à fait valable, mais là, du coup, il faut connaître. Ouais. Parce que ça représente un tome beaucoup plus conséquent en termes de pages et de volume. Et donc, c'est vachement moins vendable, entre guillemets, et présentable pour un lecteur un peu moins averti, et tu peux nettement moins tenter ta chance en disant « bon allez, je vois ce que ça donne » sur une complète avec ces trois arcs que juste sur Emerald Twilight. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non, clairement, c'est pas simple, surtout que, bon, en voulant lancer cette gamme Confidential, fallait bien trouver des trucs pour la nourrir. Donc, je pense que ils ont dû peser le pour et le contre, et bon... Ouais. Mais après, c'est le plus surprenant en termes de justement de cette notion d'accessibilité. Et d'autant plus avec quelques retours que je peux avoir qui sont vachement sur ça par rapport à tous les autres. Quoi. Après, les autres qui vont arriver, Longbow Hunters, Grey's Arrow et la JSA de Robinson, vous pouvez foncer les yeux fermés s'il n'y a pas de souci. Nous foncerons. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, je vous dis à bientôt. Également, cordialement. Et on va pouvoir enchaîner avec une autre geekerie. Cette fois-ci, c'est toi, mon Jérémy. Tu vas nous parler d'un titre de Mark Waid. Tout à fait, exact. Tu veux que je donne le titre avec mon superbe accent ou pas? Je me suis pas risqué dessus, donc je suis curieux de t'entendre le dire. Moi aussi. Alors, il y a Yanda, il me dira si je me trompe. Je dirais United. United. Ouais, United, c'est pas mal. Ouais, United, comme Manchester. Pas mal, hein. Manchester United. Non, hey, je n'ai pas pensé. Ça serait pas pareil, mais... ouais, tout à fait. Donc, titre qui est sorti chez les humanoïdes associés, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'ils ont fait un nouveau label. Oh, merde, j'ai peur de dire une bêtise encore une fois. Je crois que c'est un nouveau label, mais c'est les humanoïdes associés. C'est pas ouais, H1 c'est... ou un truc comme ça? Je crois que c'est ça, je ne l'ai pas sous les yeux, mais oui, ça doit être ça. Et donc, on a Mark Waid avec... ils sont deux au scénario, en fait. Je ne vais pas écorcher son nom. Kwanza Osagiefo. Je ne vais pas écorcher son nom. T'as bien fait de ne pas vouloir l'écorcher, dis donc. Hein. Ouais, c'est pas évident à dire. Et au dessin, on a Phil Bryons. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Donc, je vous parler un petit peu du pitch, histoire que vous sachiez de quoi ça parle, peut-être. Vous le connaissez déjà un petit peu ce récit ou pas du tout? Eh ben moi je l'ai lu. Toi tu l'as lu, on va en parler après du coup. Bah oui, et puis surtout de la manière dont je l'ai eu, ça je compte sur toi pour raconter. Oui, on a une petite anecdote sur, là-dessus, c'est vrai. Donc en fait, ce récit, c'est un récit qui se passe donc en Arizona, dans un lycée, donc le lycée Phoenix. Et en fait, c'est un lycée où il y a eu une fusillade juste avant juste avant les vacances d'été, qui a fait 14 victimes. Et du coup, pour la rentrée scolaire, bah, le lycée porte encore les stigmates de cette fusillade. On voit il y a des balles encore, des impacts de balles sur les murs, etc. Donc les élèves sont encore choqués de faire cette rentrée. Et la psychose est telle que les élèves doivent même porter des sacs à dos transparents, histoire qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'armes dans leur sac. Et en fait, il y a deux mystérieux personnages qui vont faire leur apparition, qui s'appellent Viral et Wave, et qui vont diffuser un message aux élèves, donc sur tous les téléphones portables, un petit peu en mode hacker, et ils vont demander à ce que l'administration abandonne le projet que les professeurs portent des armes. Suite à cette fusillade, justement, l'administration a mis en place le fait que les professeurs puissent protéger leurs élèves en étant armés. Et du coup, il y a ces deux mystérieux personnages qui font cette demande. Donc, ça crée un petit peu la panique dans le lycée, etc. Et un petit peu plus tard, donc c'est vraiment les premières pages dont je vous parle, il va y avoir une sorte d'onde psychique un petit peu qui va être provoquée toujours par ces deux personnages suite à une... Parce qu'il y a des parents, en fait, qui montent une sorte de groupe aussi armé qui se disent, bah, nous, on va protéger nos enfants et on va faire des rondes dans le lycée pour protéger nos enfants. Et du coup, bah, y a encore ces deux mystérieux personnages qui vont faire cette sorte d'onde psychique. Tous les personnages vont un peu tomber par terre, les armes vont tomber. Et du coup, il y a une élève qui résiste à ce ton de psychique et qui arrive à suivre les deux protagonistes et qui va découvrir leur visage. Et du coup, c'est à partir de là que le récit commence et qu'on va découvrir qui sont ces deux mystérieux personnages. Et la grande question, c'est bah, d'où viennent leurs pouvoirs et quel est le lien avec cette fameuse fusillade qui s'est provoquée justement avant la rentrée scolaire. Donc le pitch, en gros, je vous l'ai vraiment décrit rapidement, c'est vraiment les premières pages. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le style graphique, un style Umberto Ramos, je trouve. Je sais pas si t'as un petit peu trouvé que ça faisait ça aussi, mon chargé, dans le style graphique. Ouais, tu sais, avec ses visages, avec un peu des grands yeux, des grandes bouches, un petit peu. Tu sais, Umberto Ramos, il a un style, je dirais pas proche du manga, mais un petit truc quand même qui ressort dans son style. Et là, je trouve, on a ce petit côté-là. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est le petit côté Young Avengers aussi, ça m'a un petit peu rappelé ce que j'avais lu à l'époque sur les Young Avengers, c'est dynamique, on s'ennuie pas. Et moi, surtout, ce que j'en retiens de ce titre, c'est le message que veut faire passer Mark Waid. En fait, Mark Waid est quelqu'un de très engagé aux États-Unis, je dirais pas politiquement, mais un petit peu quand même, qui fait toujours passer des messages dans ses récits, et là, clairement, il veut interroger le lecteur et les gens sur le port d'armes aux États-Unis, qui est un véritable problème. Et j'ai trouvé un truc super subtil à la fin de ce récit, c'est que vous allez avoir les auteurs ont été interviewés des véritables victimes de fusillades dans des lycées, en fait. Donc on a des véritables témoignages à la fin de ce récit qui vont justement donner encore plus, je trouve, de profondeur à ce récit, parce que des fois il y a un peu de légèreté quand même, parce que ça reste un comics. Mais ça pose vraiment la question des armes. Et je pense que en France, c'est pas un débat qui va nous toucher plus que ça, parce qu'on n'a pas cette problématique comme aux États-Unis, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui fait débat tous les jours, parce qu'il y a énormément de fusillades dans les lycées. À la fin, ils décrivent justement des chiffres. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est la démarche de Mark Waid de mettre en lumière un sujet de société à travers un comics, en fait. Alors, en gros, c'est un petit peu ça qui m'a touché dans ce récit. Ouais. Est-ce que quelqu'un l'a lu autour de cette table virtuelle qui nous relie ce soir? Je crois que je suis le seul. Pas du tout. Je pense, je ne l'ai pas lu, non. Je suis seul. Comment vous dire? Est-ce qu'on raconte déjà comment je l'ai eu, le truc? Ah oui, on peut raconter, ouais. Vas-y, raconte-le. Oui, en fait, Mark Waid est venu en dédicace chez Comic Zone. D'ailleurs, quelqu'un de hyper sympathique, il a dédicacé beaucoup de comics. Mmh. Il a même dédicacé des comics, en gros, Kader de chez Comic Zone. Mais en gros, Kader lui a donné la majorité des comics qu'il avait de lui. Il a tout signé. Et lui, il les a remis en rayon après. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux acheter un comics de Mark Waid chez Comic Zone, potentiellement, il est dédicacé. Et il n'y a pas de surcoût. Donc ça, c'est plutôt sympa de sa part. Carrément. Mais là où c'est sympa, c'est que toi, tu devais venir justement à la base. Non, tu devais venir ou pas? Je ne sais plus si tu devais passer. J'avais envie de venir, mais c'était pas possible. Ouais. Et du coup, on a l'ami d'Arkham qui a réussi à faire signer un comics pour toi. Et du coup, on a fait un Skype, juste un Skype. Ouais, il m'appelle. Il m'appelle en vidéo. Ça s'est même passé. Il m'appelle sur Insta. Il me dit, en gros, qu'il est avec toi et Fredo18 sur Instagram. Voilà, tout le monde connaît Fredo18, enfin la plupart. Et si vous le connaissez pas, c'est une honte. C'est quelqu'un de super. En plus, il est super grand, super costaud, donc il vaut mieux dire qu'il est cool. Bref. Et il m'appelle pour me dire que vous étiez tous les trois là-bas. Et il me demande en gros si ça m'intéresserait de l'avoir, quoi, qu'il me le prenne et puis après je le rembourse et voilà. Et je lui dis bah ouais, vas-y, pourquoi pas, c'est super sympa. Et cette espèce de taré, il m'a passé Mark Waid au téléphone en visio. Et donc je me suis retrouvé avec Mark Waid, qui me connaissait pas, hein, tu t'en doutes, hein. D'Arkham qui était au mieux, qui faisait la traduction parce que je suis une quiche en anglais, et Mark Waid qui me demandait si je connaissais cette espèce de psychopathe qui était d'Arkham. Oui, it's a friend. Et il m'a dit je te plains, en gros, enfin un moment mais totalement irréel. Et je du coup quelques temps après j'ai eu United. Et moi par contre, j'ai pas trop aimé. Alors, je suis totalement d'accord sur la démarche. La démarche, elle est vraiment bonne, louable. Il y a vraiment un moyen, à mon sens, d'en faire quelque chose. Maintenant, je suis absolument pas rentré dans l'histoire. Les personnages, je suis pas du tout arrivé à m'attacher à eux et à les trouver sympathiques. Et c'est vraiment pas pour moi, quoi. Au-delà de la démarche qui est certainement louable et forcément sympa, franchement, pour le coup, moi, c'était pas mon truc, quoi. C'était pas ta cam. Non. Et je le dirai à Marc, parce que maintenant je le tutoie, quand je le verrai, je lui dirai, écoute Marco, va falloir faire des efforts. Bref, non, mais c'est vrai que pour le coup, c'était pas trop mon truc. Voilà. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi, je suis allé voir un petit peu des interviews de Mark Waid qui raconte que c'est un comics qu'il n'aurait pas pu faire aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il l'a fait avec les Humano, parce que, en gros, les éditeurs aux États-Unis sont un peu frileux de publier quelque chose sur des sujets sensibles comme ça, en fait. Mmh. Et du coup, il disait qu'en ayant trouvé un éditeur européen, il a eu cette liberté, justement, de pouvoir créer son univers en partant de ce sujet. Et moi, honnêtement, je suis quand même curieux de découvrir les prochains, parce que je trouve que ça a quand même créé un univers. Alors après, je dis pas que c'est le récit révolutionnaire de l'année, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est cool de tenter un nouvel univers et que ce soit des super-héros hors Marvel et DC. Moi, quand on tente cette démarche, je trouve ça toujours cool, en fait, La promesse, de voir autre chose que du Marvel et du Disney. La promesse, voilà, c'est déjà de faire un truc, de créer cet univers. Je sais pas s'il y a d'autres titres du côté de H1 qui sont sortis à propos de cet univers. Je sais pas du tout. Mais je crois qu'ils veulent vraiment lancer une gamme, justement, maintenant. Je crois que c'est en train de se développer, vraiment. En tout cas, on leur souhaite. Faudrait que je regarde un petit peu ce qu'ils font. Ouais. Bon courage et beaucoup de réussite. Et puis peut-être que tu pourras nous en reparler dans une de tes vidéos dont tu as le secret. Eh ben oui, on verra. Ou peut-être qu'on te réinvitera. Eh ben oui, avec plaisir. Ou peut-être pas. Bon, et du coup, on va passer à ta geekerie, mon cher Nico. Oui. Et tu vas nous parler de Tales from the Dark Side. Tout à fait. C'est une petite curiosité que j'ai découverte par hasard de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, pour ceux qui connaissent Lock and Key. Ces deux noms sur une couverture suffisent à donner envie de lire le contenu. Donc, c'est édité chez Milady. Je sais pas si ça existe encore, cette maison d'édition. Mais non, ça n'existe plus, puisque c'est devenu... c'est devenu iComics, en gros. C'est iComics, c'est ça, hein, ouais. Bien sûr. C'est une petite curiosité, et puis je me suis un petit peu renseigné, parce que ça me disait quelque chose, en fait, ce titre. Et effectivement, à l'origine, ces récits, ils ont été créés par Joe Hill pour une série télé. Qui est passé en France sur Antenne 2 à l'époque, en 86. D'accord. Et il n'y a eu qu'une saison, en fait, diffusée en France. Donc du coup, ça m'a fait dire que Joe Hill était plus vieux que je le pensais. Je pensais qu'il était comme nous, il avait 35-40 ans. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça raconte, en fait, Tales from the Dark Side, mon anglais est fabuleux. En fait, c'est des contes, forcément, comme le titre l'indique. On a trois contes dans ce volume qui sont distincts les uns des autres, même si on a une espèce de petit fil conducteur qui est en fait l'intrusion du Dark Side dans notre univers. Le Dark Side, en fait, c'est le négatif de notre univers, en fait, comme si on avait une photo avec un négatif de notre univers. En fait, c'est effectivement une espèce d'équivalent de notre monde. Et on suit dans ces trois contes l'équivalent de ce qu'on peut appeler le patient zéro, ces deux circonstances, de ce Dark Side. Et en fait, ce patient zéro subit le Dark Side. Il y a quelque chose en lui qui est son négatif et il voudrait s'en défaire, il n'y arrive pas. Et à partir du deuxième conte, on suit, on entrevoit en fait l'enfance de ce patient zéro et on comprend d'où vient le Dark Side. Alors, je ne vais pas le spoiler, hein, mais c'est une espèce d'alter ego en négatif, comme je disais tout à l'heure, qui ne demande qu'à être libéré et qui a du mal à être libéré. Donc, on est dans des récits horrifiques un peu. Franchement, c'est vraiment familial, j'ai l'impression, parce que Joe Hill, il est carrément dans la veine de ce que a pu faire son père avec les contes de la crypte à la Téloche, ou bah, dans ses romans, hein, plus précisément. Et on était sur un truc qui m'a hypé dès le départ, en fait, parce que forcément, comme je disais au départ, on a deux auteurs, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, qui ont quand même fait Lock and Key, qui est une super série de comics, je parle pas de la série télé. Du coup, moi, je pensais que ça allait être quelque chose d'énorme, de bon, et j'ai été un petit peu déçu parce que alors c'est pas mauvais, hein, mais j'ai été déçu parce que c'est très irrégulier. Il y a trois contes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un fil conducteur qui est le Dark Side, mais c'est trois contes qui sont quand même indépendants. Et donc il y a ce scénar qui ne crée pas forcément de manière pertinente le lien entre ces trois contes. Par contre, les dessins, comme dans Lock and Key, il n'y a rien à dire là-dessus. On a des dessins de malades. Le côté noir, il est très très très très bien retranscrit. Et par contre, Joe Hill, je trouve qu'il s'est un peu chié sur la profondeur des personnages, l'identité même des personnages qui est un peu absente. Je trouve qu'il y a beaucoup de platitude dans ces personnages. Et puis, il y a le format aussi. C'est un one-shot. C'est très court. Ça fait 120 pages, il me semble. Donc, les histoires, elles vont vachement vite. Donc, on passe, j'ai la sensation, à côté de plein de choses, scénaristiquement parlant. Donc, un manque de dosage, je trouve, qui est mal étudié. Mais il y a quand même des choses positives, parce qu'on sent, comme je le disais tout à l'heure, aussi une influence que Joey il a pu avoir de son père avec les contes de la crypte, j'en ai parlé. Mmh. On entrait par soi un peu de fantastique à la H.P. Lovecraft, et puis aussi du Chris Carter de X-Files, vraiment. Donc ça, c'est des points positifs, vraiment. Et on est carrément dans des récits d'épouvante, d'horreur, que moi j'adore, que j'adorais quand j'étais ado, et que j'adore toujours aujourd'hui. Et je prends plaisir à relire ou revoir des choses comme ça. C'est pas un titre que je conseillerais parce qu'il est pas indispensable, franchement. Je l'ai lu parce que je l'ai acheté, c'était une curiosité. Par contre, le prix, Milady, il se faisait pas chier, hein. Franchement, pour un truc qui fait 120-130 pages, 20 balles, putain, ça m'a... C'était pareil pour Lock and Key, quand Lock and Key était édité chez eux... Enfin, sous l'édition de Milady, c'était un peu le même prix. Et je trouve que c'est un peu abusé par rapport à ce qu'on peut trouver chez les autres éditeurs pour le même format. Mais je le conseillerais pas, mais pour ceux qui aiment beaucoup Joe Hill et surtout les dessins de Gabriel Rodriguez, parce que moi, je me suis arrêté sur les dessins plutôt, vraiment, parce que c'est ça qui méritait d'être soulevé. Les dessins sont juste parfaits. Ils vont super bien avec l'univers. Joe Hill, je trouve qu'il s'est un peu chié, mais j'ai lu un peu les postfaces. Ces trois contes étaient en fait prévus à la base pour la série télé, mais la série télé s'est arrêtée et ils ont été laissés aux oubliettes et ils sont sortis quelques années plus tard. Et ça expliquerait peut-être pourquoi c'est plat en termes scénaristiques. Et ça a été fait avant Lock and Key ou après? Ça a été fait avant Lock and Key, ouais. D'accord. Bah oui, ça a été fait avant Lock and Key, puisque je te dis, alors je vous dis, ça a été fait à la base pour la série télé, les scénars, ces trois scénars, ces trois contes, et ils ont été adaptés en comics bien, bien plus tard. Donc, c'est l'idée originale date d'avant Lock and Key. Hein. Et, c'est une déception, vraiment. J'ai été déçu parce que j'étais super content de le trouver. C'est d'ailleurs Jules qui me l'avait, qui m'a dit « Ah tiens, dis donc, c'est pas du Lock and Key qu'il y a », parce qu'il avait vu le logo de Milady qui est un peu reconnaissable sur la tranche. Et non. Et donc, quand j'ai vu que c'était ça, je l'ai pris, en plus un one-shot, donc je me suis dit « Je perds rien ». Et bien, en fait, non. Grosse déception. Le prix m'a un peu fait chier. Mais voilà. Je l'ai lu. Est-ce que tu l'as acheté en dessin, du coup? Ouais, je l'ai acheté neuf, ouais. Putain, dis-moi, vache. Oui. Allez, tout en faille. Les obsèques de ton portefeuille auront lieu demain à 10h. Ni fleurs, ni couronne. Ouais, putain, 20 balles, 120 pages, ça pique. C'est ça. Beaucoup, beaucoup de réactions sur le chat. On a vraiment les gens qui t'aiment, qui te suivent, qui sont étonnés que tu n'aies pas parlé d'un dictateur ce soir. C'est... Voilà. Il y avait une certaine attente. Désolé. Bah, une prochaine fois, si prochaine fois il y a, je vous promets, je vous en parle. Il n'y a pas de souci. Je suis quasiment certain que personne autour de la table n'a lu Tales from the Dark Side. Non. Non. Je l'avais feuilleté chez mon libraire à l'époque. Et pareil, vu que c'était Joey et Rodriguez, je me suis dit, ça doit être bon. Mais le pitch ne m'avait pas intéressé plus que ça. Et j'avais trouvé que, de mémoire à l'époque, les dessins, c'était du petit Gabriel Rodriguez en fait. C'est pas du niveau de ce qu'il a fait sur le Kenki. Non, c'est sûr. Donc, ouais, j'avais pas été dessus, visiblement j'ai bien fait. A priori. Hein? Et ben voilà. Bon, on va pouvoir passer à toi, mon cher Yanda, avec une double geekerie. Puisque d'accord. Allons-y. Je vais te passer deux fois la parole. D'abord, tu vas nous parler de Donjons et Chenapans. Ouais, en fait, je me suis dit, parce que il y a quelques temps de ça, j'avais vu passer au cours d'une discussion un truc qui disait que tu n'avais jamais ou très peu eu l'occasion de faire de jeux de rôle. Et je sais que c'est le cas de pas mal de gens. Et en fait, Donjons et Chenapans, c'est un truc que j'ai découvert grâce à Captain Talbot de lescomics.fr, que je salue s'il nous écoute. Benoît Talbot, nous te saluons. Voilà. c'est sur le site, donc le site de gusenko.net, que je vous invite aussi à aller voir, qui est un site tenu par des mecs qui jouent aux jeux de rôle depuis plusieurs décennies, donc des mecs qui savent de quoi ils parlent. Et en fait, Donjons et Chenapans, c'est alors pensé initialement pour faire découvrir le jeu de rôle aux enfants, mais ça peut aussi très bien être vu et utilisé pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne connaissent pas le principe du jeu de rôle, puisque c'est les bases du jeu de rôle de façon simple, accessible et fun. Ça permet de faire quoi? En fait, ça permet de créer une partie complète de jeu de rôle hyper facilement, hyper rapidement et avec trois fois rien, puisque pour jouer à Donjons et Chenapans, vous avez besoin de feuilles de papier, de crayons et de dés à 6 faces, pas de dés à 12, 18 ou 20 faces comme les grands jeux de rôle et les Donjons et Dragons et compagnie. Donc c'est vraiment hyper, hyper, hyper simple. Et tout l'intérêt du truc, c'est que vous êtes, donc admettons, si moi j'organise une partie de Donjons et Chenapans, je suis maître du jeu, donc c'est moi qui décide l'histoire. Chaque joueur a sa feuille de papier. Alors il y a un modèle qui est disponible sur le site de Gusenko, mais vous pouvez très bien faire votre fiche personnage à vous. Une fiche personnage, c'est hyper simple. Vous avez l'avatar du personnage et après il y a trois compétences. De base, dans un jeu de rôle classique, on est sur de l'inspiration médiévale ou en tout cas fantasy. Donc, on a souvent les trois compétences principales qui vont être la force, la magie et l'agilité. Alors, tu peux, il donne tout un exemple sur le tas sur le site pour justement orienter les classes de personnages, c'est-à-dire que tu peux proposer trois personnages si tu organises ça avec tes enfants ou avec des potes. Tu dis, dans les personnages, vous choisissez ce que vous voulez, mais il peut y avoir un chevalier, un magicien et un voleur. Et chacun a sa compétence particulière. Tout le monde choisit son avatar, dessine son avatar, crée son avatar, fait ce qu'il veut, vraiment la liberté est totale. Et après, on arrive à la distribution des compétences, et c'est là que rentrent les dés en compte. En fait, on distribue 6 dés à chacun, et on divise ça en 3 tas, un tas de 3 dés, un tas de 2 dés, et un tas avec le dernier dé qui reste. Et ça nous sert à répartir ces points de compétences qui nous serviront après dans l'histoire. Les 3D vont sur la compétence spéciale par rapport à la caractéristique du personnage. Donc, si tu as choisi de faire un chevalier, eh ben sur la catégorie force, tu vas mettre les 3D. Si tu fais un magicien de façon absolument extraordinaire sur la magie, tu mettras tes 3D. Et si tu es un voleur, sur l'agilité, les 3D. Pour la catégorie en 2D ou en 1D, ben là, tu le mets sur les deux autres et tu le distribues comme tu veux. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, tu démarres. Et alors, un jeu de rôle, comment ça se passe? Eh bien, en fait, tu as l'EMJ, donc le maître du jeu, qui est là pour cadrer un petit peu et lancer l'intrigue. Et ce qui est super bien dans Donjons et Chenapans, c'est que tu peux tout à fait, alors soit partir d'une histoire que toi, tu vas avoir inventée en tant que maître du jeu, mais ben voilà, par exemple, si toi, tu as envie de faire un truc dans un univers, on va dire au hasard, l'univers de Batman, tu peux très bien te calquer sur une histoire de Batman que tu connais, donc pour définir les personnages qui vont intervenir, etc., etc. Mais en fait, le but du jeu, c'est de laisser libre cours à l'imagination des joueurs. Et c'est là où c'est génial, parce qu'à partir du moment où, alors encore plus avec des enfants, mais même avec des potes, si les gens rentrent dans le délire du jeu, il peut se passer des situations complètement dingues. Et le principe, c'est que donc tu vas arriver, par exemple, tu vas dire, bah voilà, si on est dans l'histoire de Batman, on va dire, voilà, c'est la nuit à Gotham, boum, une sirène se lance, qu'est-ce que vous faites? Et là, chaque joueur, ou alors en même temps, va décider d'une action à mettre en place, de ce qui se passe. Et le maître du jeu va rebondir en fait sur les actions qui sont proposées pour faire avancer son histoire. Et là, tu me dis, bah oui, ok, c'est très cool, mais les dés, ils servent à quoi? Et bien en fait, c'est que pour faire ces actions, qui sont donc suggérées par les joueurs, ça déclenche en fait des épreuves. Pour arriver à faire ça, et ben tu dois passer une épreuve. Et cette épreuve, elle se gagne ou se perd comment? Avec des lancers de dés. Le maître du jeu, en fonction de l'épreuve, va choisir une difficulté qui va donc engendrer un nombre de dés à lancer. Et pour passer l'épreuve, il faut que tu fasses 1, 2 ou 3, 6. Si tu fais le nombre de 6 prérequis, l'action passe et donc le maître du jeu continue son histoire et son déroulé de jeu avec l'action réussie. Et si l'action ne passe pas, le maître du jeu le prend en compte. Et là, c'est comme tu veux. En fait, c'est soit tu décides que c'est perdu et donc il y a une sanction ou il se passe quelque chose d'autre, mais l'histoire continue d'avancer. Ou alors, si tu es avec des jeunes un peu plus joueurs, tu peux décider de laisser une deuxième chance, etc. etc. Donc, ça permet de, en tout cas, faire connaître et faire découvrir les grandes bases du système de jeu de rôle, et tout en étant hyper accessible avec trois fois rien en matériel. Et pour en avoir déjà fait un, alors pas Donjons et Chenapans, mais un autre aussi qui était destiné à faire découvrir aux enfants ce type de jeu de rôle, on est super surpris de l'imagination dont ils font preuve, et en général, on passe de très, très, très bons moments. Et combien ça coûte? Ça coûte zéro. Ça coûte zéro, puisque le site de Gusenko met à disposition la fiche personnage qu'on a là en visuel gratuitement. Tu récupères le PDF, mais tu peux très bien faire la tienne, celle que tu veux, de la façon que tu veux, de la structurer comme tu veux, avec une feuille et des crayons à papier. Et après, il faut avoir 6 dés. Donc, à la rigueur, ça va te coûter le prix d'un sachet de dés si tu veux l'acheter. Ah ouais, non, merde, c'est trop cher. Mais tu peux tout aussi bien récupérer si tu as des jeux de société chez toi. Tu fais toutes les boîtes et tu rassembles les dés. Et à la fin de la partie, il faudra les remettre en place. Mais sinon, en dehors de ça, le seul coût que tu vas avoir, c'est le coût de ton imagination et de ton cerveau pour faire travailler l'histoire. C'est tout. Je vais le tenter avec ma femme et mon grand. Je pense qu'il peut nous emmener très très loin, mon fils. Oh et tu peux et tu peux te retrouver à des trucs complètement hallucinants. Enfin, c'est très très chouette. Eh ben, merci. Avec plaisir. J'hésiterai pas à te faire un retour sur ça. Avec grand plaisir. Je pense que je vais rapidement essayer pendant cette période de confinement. En plus, voilà, c'est très sympa. Surtout si je gagne à la fin. On peut tricher ou pas? Ah ben, tout dépend. Si t'es maître du jeu, c'est toi qui décides. Ouais, c'est ça que je voulais entendre. Du coup, je vais te laisser passer sur ta deuxième geekerie, sur tes 32. Ouais, c'est ça. on va toujours pas parler de comics. Et non. Non. Je vais parler de mon dernier coup de cœur, série télé, qui est une série auquel j'étais passé complètement à côté au moment où c'est sorti. C'est la série Succession, qui est une série HBO. Voilà. Donc, si certains d'entre vous connaissent les séries ou une série HBO, de type Game of Thrones, Westworld, Preacher, qu'est-ce qu'on a d'autre de chez HBO, ça met déjà un peu. Oui, aussi, tout à fait. Ça met la barre. Les séries HBO sont en général des séries de très très haute qualité. Et Succession, spoiler, ne déroge pas à la lettre, loin de là. C'est une excellente série. J'ai bingé avec madame l'intégralité des deux saisons. Donc ça représente 20 épisodes. Chaque épisode dure en moyenne 1 heure et on s'est régalé. C'est une série créée par Jess Armstrong que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Il n'y a pas de tête d'affiche non plus au niveau du casting, mais alors, pouah, pouah, pouah, pouah, pouah. De quoi ça parle Succession? Eh ben, c'est une série qui en plus est hyper d'actualité et en tout cas hyper moderne sur l'Amérique d'aujourd'hui et en tout cas une certaine partie de l'Amérique. Le personnage principal est le personnage de Logan Roy, qui est un vieux monsieur de 70, ouais, 70 passés, qui est un grand mania d'un immense groupe média américain appelé Waystar Royco. Ils gèrent ça, donc ils sont présents dans 5 pays. Enfin, le mec est riche à milliards. C'est indécent tellement il est riche. Et il a 4 enfants, 3 fils et 1 fille. Et du coup, comme il est vieillissant, il se sent un peu approché la retraite et l'envie plus ou moins de passer le flambeau. Sauf que à qui il va devoir passer le flambeau, puisqu'il aimerait que la compagnie familiale reste au sein de la famille. Mais à qui va hériter de la compagnie? Les enfants vont plus ou moins se tirer la bourre. Bien évidemment, vous vous en doutez en toute bienveillance, c'est faux, et ça donne lieu à des situations vraiment complètement dingues. C'est une famille qui est complètement niqué, mais c'est génial, c'est assez dur, mais il y a des fois des touches d'humour qui sont hyper drôles, et la musique est fabuleuse, composée par Nicolas Britel. Vous avez peut-être déjà vu passer son nom, notamment sur le Roi Arthur, il a fait dernièrement. Enfin, c'est une BO qui est complètement dingue. Et d'un point de vue cinématographique, c'est hyper intéressant parce qu'il y a certains plans et certains cadrages qui sont filmés un peu façon documentaire, mais ça l'est pas du tout. Et donc, du coup, c'est assez, pas perturbant, mais voilà, c'est assez particulier comme ambiance, mais c'est très, très, très, très bien. Et c'est en plus de ça une série qui a été primée. Elle a eu le Golden Globe de la série dramatique, dernière cérémonie en date, devant notamment The Crown, etc., etc. Donc vraiment, j'étais passé complètement à côté. Et comme toutes les séries HBO, c'est dispo sur OCS. Donc en plus de ça, voilà, c'est relativement accessible, même pour les Français. Et si vous êtes abonné à Orange, c'est toujours pareil, c'est gratuit jusqu'au 31 mars, puisque Orange, dans sa grande mansuétude, a offert l'accès à OCS pour les gens qui ont la télé par Orange. Sinon, ça vous coûtera le prix d'un abonnement chez OCS, qui est je ne sais pas de combien. Ou éventuellement de contacter votre tonton américain qui peut Certes, éventuellement. oui. Oui, ça doit effectivement être tout à fait possible. Est-ce que quelqu'un connaît cette série? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Eh ben, merci Yandon de nous l'avoir fait découvrir. Écoutez, avec C'est grand plaisir. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc, mais tu nous l'as très bien vendu, mais je n'en doutais pas une seule seconde. Je connaissais pas du tout moi non plus, il y a encore du coup 2 semaines, et j'en ai entendu parler par Jonathan Cohen, alias Serge le Mytho, dans le podcast de Kian Kojandi, Ouais. qui en disait beaucoup de bien. Et je me suis dit, ah ouais, je connais pas. Je suis allé voir une bande-annonce, j'ai dit, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis j'ai lancé l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis j'étais arrivé à la fin de la saison 2. J'ai dit, ah ouais, c'était vachement bien, c'est vrai. Et il y aurait une saison 3 ou c'est juste en 2 saisons? Il est prévu une saison 3. Là, comme l'intégralité des tournages outre-Atlantique, c'est en stand-by. Donc, initialement, il y avait une saison 3 qui était prévue pour la rentrée prochaine. Mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais ouais, vraisemblablement, il y aura une saison 3. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que j'irai voir aussi. Je ne te dis pas quand, parce que j'ai un retard sur les séries qui est juste d'approximativement 10 ans. J'ai pas fini Ah, Game on of est pareil. Thrones. Moi, j'ai même pas commencé Game of Thrones. Watchmen, j'ai pas regardé. Mandalorian, j'ai pas regardé. J'ai pas fini Viking. Enfin, waouh, la vache. Ah, tu vois, il y a Rio56 qui met sur le chat que avec Prime Video, t'as un mois gratuit d'OCS. C'est cool. Je suis chez bon. Bouygues. Très bien. Voilà. Écoute, mais j'ai mon tonton américain, John Rubric, le si célèbre. Du Kentucky. Du Kentucky, exactement. Non, il est du Wyoming. Ah pardon, excuse-moi. C'est un très joli nom, je trouve, Wyoming. Wyoming. Ouais. Bon, bah du coup, étant donné que personne connaît tes geekeries, putain, Yanda, merde, fais un effort à un moment donné. Je reviendrai, y a pas de soucis, je reviendrai. Avec plaisir. Mais bah du coup, c'est à moi maintenant. Et moi, je vais vous parler d'un film espagnol qui est disponible sur Netflix. Il est estampillé comme étant du genre science-fiction thriller et qui s'appelle La Plateforme. Alors, le pitch, comment vous dire, on est, ça va très vite, on est dans une prison tour, une espèce d'immense tour. À chaque étage, vous avez deux prisonniers. Au milieu de chaque étage, il y a un immense trou qui permet de relier chaque étage. C'est, quand on commence l'histoire, on ne voit pas le sommet de la tour et on ne voit surtout pas le fond. On se demande combien il peut y avoir d'étages dans cette prison tour. Une prison dans laquelle, a priori, on peut rentrer soit de son plein gré pour obtenir des faveurs plus tard, des papiers, des, enfin, voilà, ce genre de choses, ou alors pour venir purger... sa peine. Et toute la particularité en fait de cette prison se tient sur, on va dire, le moment des repas, c'est-à-dire que il va y avoir un immense plateau, une espèce de plateforme qui va passer en fait d'étage en étage en descendant, et sur cette plateforme, que vous pouvez voir d'ailleurs à l'image si vous nous suivez en direct sur YouTube, et ben vous avez des mets, des repas, des voilà, de la bouffe absolument fabuleuse. Le problème, c'est que du moment où ça va passer d'étage en étage, les gens vont se servir, vont faire les bourrins sur la bouffe, et plus ce plateau va descendre et moins il va rester de nourriture, jusqu'à ce que finalement, effectivement, il n'y en reste plus rien. Et ça, c'est le pitch un petit peu de cette histoire. On va trouver donc, on va dire, le protagoniste principal qui va se réveiller dans cette prison, dans cette fosse, dans cette tour, apprendre les règles qu'il peut y avoir. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ces règles qui font que cette fosse existe. Et voilà, et on va apprendre un petit peu à suivre, à comprendre ce qui se passe. Tout le but, en fait, de ce film, c'est ça tient vraiment sur ce concept et sur la réflexion qu'on peut avoir autour autour de ce sujet. Et forcément, moi j'ai trouvé, alors d'une part, que la réalisation était tout à fait formidable. J'ai trouvé ça vraiment vraiment excellent. Ça te chope, mais en deux minutes, simplement en regardant à la limite la bande-annonce, je vous mets au défi de ne pas être interloqué, de ne pas vouloir savoir un petit peu ce qui se passe dans cette tour, sur cette plateforme, et de savoir un petit peu plus comment les gens ils vont pouvoir peut-être ou pas s'en sortir. Et surtout, derrière, s'il faut faire un petit effort... je pense, de réflexion, parce qu'il y a énormément de sujets de société à gratter qui donnent, ni plus ni moins, beaucoup de réflexion. Il y a notamment, quand on regarde les rapports que peuvent avoir, par exemple, si vous avez quelqu'un, vous avez un duo de prisonniers qui est à l'étage 48, et que vous avez les voisins du dessus qui sont à l'étage 47, et il y a nécessairement, logiquement, une relation de dominant et de dominé qui s'installe. Les gens du dessus vont littéralement pouvoir vous chier sur la tête sans que vous ayez les moyens de répondre. Ils vont pouvoir littéralement se gaver devant vous de bouffe et vous laisser ni plus ni moins que leur reste et que leur merde. Et donc forcément, on peut, si on le souhaite, y voir un parallèle un petit peu dans notre société. Ce film est, à mon sens, une critique, si on le veut, de notre société. Et forcément, on peut y retrouver un petit arrière-goût, une petite odeur de lutte des classes, de cette relation de dominant à dominé qu'on peut avoir entre nous, entre tous les êtres humains. Il peut, moi, j'ai vraiment senti une espèce de réflexion où ça met en parallèle l'esprit d'individualisme et l'esprit collectif. Est-ce qu'on va choisir... quand le plateau repas arrive à notre étage, de se gaver, et peu importe les gens qui sont en dessous de nous, ou est-ce qu'on va faire preuve d'un certain esprit de corps, de cohésion, et d'essayer d'avoir des règles communes pour que tout le monde puisse s'en sortir, Et ça, c'est super intéressant, et notamment dans l'époque dans laquelle on vit, et surtout avec les phénomènes qu'on voit actuellement. Qu'on voit bah, la réaction que les gens peuvent avoir autour de rouleaux de PQ, de paquets de pâtes, et ce genre de choses. Attention, je ne crache absolument pas sur ce genre de réaction, parce que c'est... je peux tout à fait comprendre en fait les mécanismes qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir activer ni plus ni moins voilà, des mécanismes de peur, de survie, la peur de manquer, ce genre de choses. Mais on se rend assez vite compte que bah, finalement l'individualisme, bah, il mène pas très loin individuellement et surtout il ne mène nulle part collectivement. Alors qu'un esprit collectif permet d'avancer tous ensemble en évitant un maximum de dégâts et puis voilà en faisant corps et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ça sous les yeux à une époque où même enfin moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est vraiment dans une époque où l'individualisme le je est mis en avant et mis en exergue par rapport au nous. Aujourd'hui on est vraiment dans une société où le « je » est prédominant et où le « nous » il est quasiment devenu « has been ». Et quand on a des emmerdes, comme on peut avoir à l'heure actuelle, comme le coronavirus et ce genre de choses, eh ben il n'y a que le « nous » qui peut permettre de répondre efficacement. Et je pense que c'est une réflexion intéressante qu'on peut voir au travers de ce film. Il y a également une réflexion sur la nature humaine, ni plus ni moins. Où la nature humaine, bon, on se rend compte que majoritairement, eh ben malheureusement, est-ce que c'est... comme toujours, le fruit de nos peurs, le fruit de notre éducation, le fruit de notre histoire, mais il y a quand même une grosse partie de l'humanité qui sont quand même de fiefs enculés. On peut se le dire bien tranquillement, il y a quand même un paquet d'ordures, et il y a souvent malheureusement un paquet d'ordures qui réussissent à imposer leurs lois et font peser des maux sur l'ensemble de l'humanité. Et l'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la capacité que l'on peut avoir à trouver des solutions face à des problèmes communs, à essayer de trouver des solutions qui soient morales, avec une certaine, voilà, une certaine moralité, pour ne pas avoir des solutions qui nous fassent passer, entre guillemets, du côté obscur, ne pas passer pour un salaud. Et comment on peut appliquer ces solutions tout en gardant une certaine moralité. Et ben parfois, c'est vraiment, vraiment difficile. La fin du film, elle est ce qu'elle est, mais moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant tous ces sujets de réflexion qu'il peut y avoir à travers cette histoire. Vraiment, vraiment, moi, c'est des sujets qui de toute façon, au-delà du film en lui-même, me passionnent, parce que je trouve que c'est vraiment... à ce niveau-là que sont les principaux enjeux à l'heure actuelle et je pense dans les années futures, notre capacité à cesser de penser en termes de « je » mais plus en termes de « nous », à ne pas faire passer au premier plan la réussite individuelle mais plutôt la réussite collective. Voilà, donc c'est tout un schéma de pensée qui est totalement différent et je trouve que sans enfoncer au fond de la gorge du spectateur des idées préconçues, je trouve que c'est vraiment une jolie photographie sur notre société actuelle et peut-être potentiellement des idées, des solutions pour apporter des choses nouvelles dans notre monde. Un film extrêmement intéressant, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu autour de la table. Non, pas du tout non plus. Bon, là, tu m'as donné pas du tout, mais ça me tente bien, ouais. Aussi, ouais, ça me tombe bien. Ouais. Et bah, faites-vous plaisir, c'est sur Netflix. Ou John Wilbrick, toujours pareil. Alors, c'est un film espagnol, c'est. Bah, je sais pas dire en espagnol John Wilbrick. Voilà. Mais voilà, c'est un très très Juan bon film. Rubrico. Juan Rubrico, merci. On la garde celle-là. Et, non, mais voilà. L'image est pas mal. Je trouve, comme tu décrivais sur la société, tu vois. Niveau d'étage, un petit peu, tu vois. Ça a l'air super intéressant, franchement, moi tu m'as convaincu. Il y a Secteur 2814 qui dit, et c'est pas fou, ça ressemble un peu à Snowpiercer en fait. Je connais pas du tout. En fait, c'est vraiment, en fait, dans une nouvelle ère glaciaire qui a été provoquée par l'homme, un train qui fait le tour de la Terre sans s'arrêter. Et en fait, les wagons de queue à la fin, bah, c'est les pauvres qui ramassent toute la merde des autres, qui n'ont plus rien à bouffer. Et plus t'avances dans les wagons, et plus t'as les riches, en fait. Ouais, non, mais bah, c'est... Ouais, le film de Bong Joon-ho, tu sais, qui a réalisé Parasite. D'accord. Ouais, mais je crois que c'est une BD à la base. Hein. Je sais qu'il y a une BD, par contre, je sais pas lequel est arrivé en premier. Et a priori, enfin voilà, c'est un très très gros carton sur Netflix. Et pour le coup, bien joué Netflix, parce que c'est pas un film original Netflix, c'est vraiment un petit film espagnol que Netflix a racheté, ou je sais pas, enfin en tout cas, ils le proposent. Et c'est en train de faire un carton vraiment sur Netflix. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un truc sympa. Alors qu'on a Jules tout seul. Je viens de le lancer d'ailleurs. Ah, bah tu nous diras. Je viens de le lancer d'ailleurs, donc si vous pourriez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Excuse-nous, Yanda, merci d'avoir participé. C'est con parce que là, du coup, je vais céder la parole à Spider-Man. Il va parler de Joker. Joker. Joker. Killer Smile. Joker. Killer Smile. Bah oui. Ah, là, tu reviens. À l'anglaise, s'il te plaît. Hein, là, il y a plus de. J'ai mis sur pause. C'est l'avantage de Netflix, on peut mettre sur pause. Tout à fait. Ça existe depuis longtemps. Mais on en reparlera après. Et donc, mon cher Spider-Man, tu vas nous parler d'un titre absolument dingue de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Exactement. Et je dirais même de Jordi Belair aux couleurs, parce que j'adore le taf de cette coloriste. Donc c'est bien de le souligner. Et oui, donc Joker Killer Smile en 3 numéros. Donc, bah, je l'ai lu cet après-midi en fait. Ce sera très très certainement édité chez Urban, hein, pas de souci. Le pitch en fait, c'est assez simple. C'est le Joker donc, qui est à Arkham et qui parle à un psychologue en fait qui essaye de enfin qui s'est donné pour but de le guérir en fait. Quel con. Voilà. Donc on peut se dire il y en a déjà une qui a essayé hein, c'était Harley hein. Et voilà, donc le pitch est simple, mais Jeff Lemire en 3 numéros, il fait un truc de, enfin moi je trouve que c'était quand même un truc de fou. C'est il rentre vraiment dans la tête du Joker, ce qu'est le Joker en fait, sa folie. Il donne une épaisseur, une nouvelle dimension en fait à sa folie. Le Joker est hyper malsain, je trouve, dedans. Je pense peut-être même que c'est le Joker le plus malsain, le plus dérangeant en fait que j'ai lu. Et Andrea Sorrentino qui participe grandement en fait à ça. Il fait en fait le comics a vraiment une ambiance de Gideon Falls dans la construction. C'est la construction est dans l'ambiance. C'est vraiment du Joker avec l'ambiance de Gideon Falls pour ceux qui ont lu. Et en fait voilà, je peux pas trop en dire parce que voilà, il se passe en à peine 3 numéros, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce comics. Mais c'est vraiment à lire. C'est simple de premier abord. Mais beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est efficace, vraiment une ambiance. Vraiment, Jeff Lemire a vraiment mis le doigt sur la folie du Joker, je trouve, sur la folie au sens large, via donc ce pauvre psychologue qui n'avait rien demandé à la base, qui voulait juste se faire un nom en essayant de soigner le Joker. On a quelques petites apparitions de Batman. Qui appuie un peu le propos de Lemire. J'ai trouvé ça bien amené parce que voilà, il est là vraiment pour ajouter un peu à ce côté folie. Et voilà, je peux pas trop en dire plus parce que bah, déjà il y a que 3 numéros et si j'en dis plus, je vais lâcher des spoils. Donc voilà. Mais franchement, une super surprise et Andrea Sorrentino bah, au top. Il s'amuse un peu moins avec les constructions de cases, ce qu'il a un peu l'habitude de faire, mais parce qu'il n'y a, bah, a pas vraiment d'action en fait dans cette histoire, comme par exemple avec Green Arrow New 52, où il avait l'habitude de faire de décomposer l'action par exemple d'une flèche de Green Arrow, c'était vraiment ouf et novateur. Là par contre, quand il y a certaines scènes fortes et certaines révélations dans le comics, ouais, là on se prend des doubles pages de malades dans les dents qui représentent encore une fois hyper bien la folie du Joker. Donc foncez, c'est vraiment à lire. Quoi. Je crois, Jérém, que tu l'as lu. Ouais, tout à fait, je l'ai lu, ouais, je confirme, c'est génial. Et moi qui suis un débutant VO, ça fait pas longtemps que j'ai de la VO, ça doit faire 6 mois à peu près, je dirais. C'est hyper abordable. Honnêtement, quelqu'un même qui n'est pas hyper fluide en anglais, je trouve que c'est un récit qui est plutôt facile à comprendre. Enfin, moi, ça a été une lecture très facile en VO. pourtant je suis pas le gars le plus fluide en anglais. Et puis oui, c'est un récit psychologique, hein, clairement. C'est plus psychologique que de l'action. Faut pas s'attendre à de l'action de ouf, mais c'est hyper psychologique, quoi. Mmh. Et les dessins de Sorrentino, bah, comme d'hab, extraordinaire. Alors en effet, il va pas décomposer, enfin il va pas déconstruire les images, mais il y a beaucoup d'effets de zoom, je trouve, à l'intérieur. Mmh. Ça sera plus soit en effet des gros plans ou des angles un peu plus larges, mais ça pose un truc, quoi. C'est... Moi, je sais que je l'ai lu chaque parution, je les ai pas lus les trois d'un coup, et à chaque fois que je terminais l'issue, je me disais vivement la suivante, quoi. C'est... Moi, j'ai adoré, franchement, c'est génial. Yanda. Je recommande aussi. Je l'ai pas lu. Oh, t'es connerie. Oh, quoi ? Non, je l'ai pas lu. Bah ouais, ouais. En fait, j'ai loupé la sortie du premier. Et du coup, après, je me suis dit, bah vas-y, c'est pas grave, j'attendrai que les trois soient sortis et qu'on ait un relié. Et en fait, bah, entre-temps, ça a été annoncé chez Urban. Je trouve que ça arrive cet été ou à la rentrée prochaine, je ne sais plus exactement quand. Mais donc, bah, je vais attendre sagement la sortie française. Mais j'en ai entendu énormément de bien. Que ça soit Joker Killer Smile ou alors aussi Arlene de Stephen Sitchin. Ouais. Du coup, voilà, c'est les deux trucs que j'ai raté en VO, mais que j'attends au tournant en VF. Est-ce que tu n'avais pas fait Criminal Sanity non plus ? Non. Parce que ça aussi, c'est un peu. Alors, on est un peu sur le même format encore sur le DC Black Label. Et pareil, c'est encore du hyper psychologique. Franchement, je trouve cette collection, c'est vraiment une réussite, quoi. Enfin, moi, j'adore. Vraiment. Putain, alors, moi, je vais te dire un truc. Je retiendrai qu'une seule chose. C'est la réaction de tout le monde quand on a su que tu l'avais pas lu. On était choqués. Choqués. Ouais. Nico, je crois que tu lis pas en VO. Mais je l'ai pas lu. Non, je lis. J'ai lu quelques trucs en VO, mais... Joker en vélo. En vélo, c'est, oui. C'est chaud quand même. C'est un peu chaud. C'est pour Vincent. non, mais en fait, j'ai vraiment envie. Enfin, j'attends avec impatience qu'il sorte en VF et tu m'as encore plus donné envie de le lire. De toute façon, les Mires et Sorrentino, on est rarement déçus. Oui. Et ce que tu disais par rapport au fait que Joker Killer Smile, c'est quelque chose d'assez psychologique. C'est un peu la marque de fabrique du duo Lemire et Sorrentino. On le voit avec Oldman Logan, où c'est y a une vraie introspection psychologique, un monologue intérieur aussi parfois. Et j'adore ça. Ou dans Gideon Falls aussi, où on a vraiment ce côté un peu tension psychologique extraordinaire. Moi, j'adore. Donc, j'ai hâte de le lire, qu'il sorte, quoi. Et ouais, voilà. j'ai le premier numéro en VO que j'ai lu, que j'ai adoré. J'ai le numéro 2 depuis un sacré moment et que j'ai toujours pas lu. Et j'ai oublié de commander le numéro 3. Oh ! Donc du coup, fait chier. Et les variants de cover aussi sont vraiment chouettes. Hein. Ouais, et j'ai pris deux variantes. Un truc, et le format Black Label en plus en VO. Format, c'est ça. Cher hein, quand même, hein. Pas donné. Mais, le format, il est pas un peu comme le... Comment ça s'appelle ? Ouais, 6 euros. Un peu plus carré, je crois. Ah si, ouais, c'est pas comme une issue classique. Hein, c'est une oui, voilà. Ouais, c'est plus, c'est comme... plus large, c'est ça. On est voilà, c'est comme Batman Damned. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ouais, bien plus cher, mais c'est vrai que ça fait quand même des jolis petits bouquins en VO, faut reconnaître. C'est bien sympa. Et c'est beaucoup mieux que Batman Damned. Pour le coup. Yanda, toi, je crois que t'as bien aimé Batman Damned. Les dessins à fond. Oui. Ah oui, les dessins, oui. Tout le monde, c'est beau. Voilà. Voilà. Bon, voilà, merci. Alors, du coup. On parlait des dessins, non ? Tout à fait. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a que des dessins. C'est compliqué, Batman Damned. Mais bon. Ouais. On va passer à toi, mon cher Jérôme, avec une geekerie en noir et blanc. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être un de mes films préférés de l'ancienne époque, on va dire. Dans cette catégorie-là, ça fait partie de. Ouais, je me suis dit que j'allais un petit peu parler de. Alors moi, je suis un grand fan de cinéma, mais j'aime aussi tout le vieux cinéma, ce qui est le vieux cinéma français ou même l'époque des westerns. Enfin, j'aime tout un peu les anciens films. Et je suis particulièrement fan de Jean-Paul Belmondo depuis toujours, en fait. C'est un acteur coup de cœur, je dirais. Et ouais, Un singe en hiver, c'est un film français donc, qui est sorti en 62. Donc, c'est une comédie dramatique. C'est réalisé par Henri Verneuil, donc, qui a réalisé d'autres films qui étaient connus aussi. Il a fait Le clan des Siciliens, il a fait Peur sur la ville, par exemple. Et du coup, là, on a le duo Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Donc, c'est le jeune Belmondo, il démarre vraiment sa carrière. Et un peu le Gabin, un petit peu beaucoup plus vieillissant quand même. Donc en fait, je vais vous faire un petit peu le pitch de l'histoire. Donc c'est un film qui se passe en 1944 à Tigreville, sur la côte normande. C'est vers Deauville à peu près. Donc il y a un personnage qui s'appelle Albert Quentin, qui est joué par Jean Gabin, qui est un ancien fusilier marin qui est revenu de Chine et qui gère à Tigreville un hôtel avec son épouse. Et c'est un habitué de la bouteille, donc c'est, on va dire qu'il crache pas dessus. Et du coup, il promet à son épouse d'arrêter de boire si leur hôtel échappe aux bombardements qui font rage sur la côte normande. Donc c'est ce qui va se passer, son hôtel va rester debout. Et du coup, bah, Albert va ranger ses bouteilles au placard et il arrête de boire. Et 15 ans. Oui, c'est vrai, exact, en plus c'est vrai. Et 15 ans plus tard, il y a un homme qui débarque dans leur établissement qui s'appelle Gabriel Fouquet, qui est joué donc par Jean-Paul Belmondo. Et du coup, bah, lui, il est accro à la boisson. Donc, c'est un peu comme était Gabin à l'époque, mais en plus jeune. Et du coup, bah, tous les deux vont un peu se trouver et ils vont vivre des aventures assez incroyables dans ce petit village. Parce qu'en fait, cet homme, qui est joué par Jean-Paul Belmondo, revient dans ce village à la base pour venir voir sa fille qui est dans un pensionnat. Mais c'est un gars qui est un peu paumé, il revient d'Espagne, il a la tête plein de souvenirs, mais c'est un gars complètement paumé. Et du coup, ces deux personnages un peu paumés vont vivre des virées nocturnes assez incroyables. Il y a des scènes qui se... juste un plan fixe, par exemple, il y a une scène dans un bar, c'est du dialogue, mais c'est incroyable. Franchement, c'est le genre de dialogue que j'ai pas revu depuis longtemps au cinéma. Et ce que j'ai aimé surtout dans ce film, c'est un film qui est émouvant, franchement. Moi, c'est encore un film qui, quand je vois la fin, alors que je la connais, j'ai toujours la petite larme à la fin de ce film, parce qu'il y a une émotion, il y a un truc. Et du coup, on va vraiment les suivre dans leurs aventures. Et c'est vraiment pour moi la passation entre Gabin, entre Belmondo et Gabin. On voit vraiment cette passation de ces deux acteurs qui, au début du tournage, ne se parlaient pas. C'est la petite anecdote. Il faut voir que Gabin, c'était quelqu'un d'un peu... il n'était pas causant, on va dire. Et du coup, ils sont devenus amis tous les deux en parlant de PMU. Truc improbable en parlant de sport, et ils ne sont jamais quittés après, et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Donc moi, je recommande vraiment ce film, qui pour moi fait vraiment partie des classiques du cinéma français, et même si on pourrait dire c'est un vieux film, je vais m'ennuyer, ça ne m'attire pas, franchement, moi j'invite vraiment aux personnes qui ont peur de découvrir des vieux films en noir et blanc, de se lancer sur le film, parce que je trouve que les films en noir et blanc vieillissent très bien, d'ailleurs, je trouve. Ouais. C'est pas comme des vieux films en couleur qui sont sortis un peu plus tard où la couleur a mal vieilli. Le noir et blanc, je trouve, ça traverse le temps. C'est intemporel. Et moi, je recommande vraiment ce film. Alors, c'est pas une geekerie moderne, hein, parce qu'on n'appelait même pas ça une geekerie, je pense, à l'époque. Hein. Mais en tout cas, c'est un classique du cinéma. Et moi, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne connaissez pas ce film. Alors, qui veut réagir sur Un singe en hiver ? Yanda. Moi, je ne connais pas, mais je prends note parce que je suis très fan du noir et blanc, autant sur la photo que sur la vidéo. Et film français, allons voir. Je suis très curieux, mais je ne connais pas et je n'ai pas vu. Nico ? Moi, ça fait partie des nombreux films, que ce soit avec Gabin ou Belmondo, que je n'ai pas vu et que j'ai envie de voir. Je connaissais de nom, et un peu le pitch aussi d'un singe en hiver. J'adore effectivement aussi Belmondo, c'est surtout à cette époque-là. Il était jeune, il était beau, il avait tout pour lui. Et Gabin, en fin de vie, en fin de carrière aussi, ça donne tellement envie de le voir. Donc ouais, je vais le voir, je vais essayer de le voir, rapidos. Mais il y a tellement de films de cette époque que j'aimerais voir, et que j'ai pas le temps, quoi. Mathieu, tu l'as déjà vu ? Non, mais c'est... par contre, je rebondis sur ce que Jérémy a dit, et c'est vrai, c'est pas parce que c'est vieux et que c'est en noir et blanc que c'est pas bien. loin de là. Ça me fait penser à ce qu'il n'y a pas longtemps, toi, G et notre cher Dramout, vous m'aviez conseillé de regarder 12 hommes en colère. Ouais. Et je l'avais regardé, un film qui est des années, c'était de 1957, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et j'avais vraiment adoré. Et pour la petite anecdote, ma femme, il faut surtout pas lui parler de vieux films comme ça en noir et blanc ou quoi que ce soit. Et ben, elle était à côté de moi, elle l'a regardé et elle a kiffé aussi. Et donc ouais, c'est pas parce que c'est vieux que. Ah bah là c'est bon. Alors de toute manière, enfin moi je suis un grand fan des dialogues de Michel Audiard. Michel Audiard, c'est des dialogues. Ces dialogues sont géniaux. C'est sans contexte, sans conteste, pardon, mais c'est, ils étaient aussi sortis et livrés à des acteurs qui étaient à l'époque mais des putains de monstres sacrés, voilà quoi. Et Gabin, comme tu le disais, là, il est beaucoup plus vieux, donc on est vraiment en plus sur un personnage vraiment un peu plus ancien, donc il est un peu plus massif, il bouge un petit peu moins, et là on est vraiment sur un Belmondo un peu toréador, tu vois, pour reprendre un peu ça, le truc du film, bondissant, enfin tu vois, avec toute la fougue et la folie de la jeunesse, et c'est et il nous livre un spectacle, et il y a des tirades qui sont absolument magnifiques, et c'est vrai que c'est ce vieux monsieur qui a arrêté de boire pour une promesse qu'il a fait à sa femme, qui va revoir. Et en fait, le truc, c'est qu'il buvait, mais il buvait pas pour comme tout le monde. Il buvait pas avec le commun des mortels. Il buvait avec le commun des mortels, mais pour lui, l'alcool, c'était un moyen de locomotion. Un moyen de voyager, un moyen de revivre sa jeunesse, et il partait dans des délires un petit peu éthyliques, mais complètement colorés et complètement dingues. Et il n'avait jamais rencontré une autre personne comme lui. Et un jour, il y a Belmondo qui arrive, et lui aussi, il connaît bien le voyage. Il connaît bien le moyen de locomotion. et il se retrouve un petit peu en lui, et à un moment donné, ça va partir en soirée. Et ça va être une nuit, mais de malade mental. Et c'est, voilà, ça fait partie vraiment. C'est un immense classique et c'est vraiment génial. Et du coup, tu as eu une super idée, Jérém, en prenant ce film-là. J'adore les vieux films et je pense qu'à l'occasion, une fois de temps en temps, j'en placerai un petit moi aussi pour ne pas les oublier et peut-être inciter quelques personnes à aller les voir. Mais Un singe en hiver. Foncé, c'est du tout bon. Et je sais pas si t'avais vu, mais je l'ai en fichier, mais j'ai une pièce de théâtre, Un singe en hiver, où le rôle de Belmondo est joué par Fred Testo. Ok. Et Jean Gabin, le rôle de Jean Gabin est tenu par Eddie Mitchell. Ah ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est très différent parce que c'est adapté au théâtre. C'est différent, c'est un autre genre, mais pour le coup, le Fred Testo et Eddie Mitchell, ça se tient très bien, très très bien. À l'occasion, si je peux, je te le ferai passer. C'est vraiment sympa. À voir. Surtout en effet, oui, l'adaptation paraît cohérente. Ce que tu dis, ça peut être adapté en pièce, clairement. Mais je sais même pas si c'était pas une pièce à la base ou. C'est possible. Ouais. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, formidable histoire, des acteurs formidables et Audiard. Putain, bah, salaud. C'est pour ça que je voulais parler d'un vieux film en fait, parce que je me dis, c'est, tu vois, redécouvrir les films avec Lino Ventura, tu vois, des acteurs quand même charismatiques en fait. C'était, tu vois, ils avaient de la gueule quoi. C'était, ils avaient de la gouaille. Enfin, les dialogues d'Audiard aussi. Enfin. Je trouve qu'il y a un truc dans ces films, mais en effet, il faut avoir la démarche de se dire, je vais tenter, tu vois. Et souvent, on peut avoir un frein. Quand tu aimes le cinéma, tu vas y venir à ce cinéma. Mais si tu accroches pas au cinéma plus que ça, peut-être c'est un cinéma sur lequel tu passeras à côté, en fait. Et un autre truc aussi, c'est que, alors c'est peut-être con ce que je veux dire, mais c'est peut-être aussi générationnel. Moi, je regardais des films comme ça à la télé quand j'étais gamin, parce qu'il y avait peu de chaînes de télé, on n'avait pas autant qu'aujourd'hui, et c'était les films du dimanche, tu vois. Et que tu regardais avec papa et maman, quoi. Exactement, c'est ça. Pareil. Non, mais tu vois, c'est ce qui a fait une sorte de culture en commun. Mmh. Tous les Belmondo, je pense que on est de la même génération, c'est des films qu'on a tous vus, quoi, parce que c'est des films qui passaient à la télé, quoi. Aujourd'hui, il y a plus rendez-vous qu'il y avait à l'époque, du coup, il faut aller les chercher maintenant. C'est un peu plus. Faut faire la démarche, quoi, en fait. Ouais. Mais il y a tout un tas de films hein, comme ça et qui moi m'ont ouvert à des trucs mais que je enfin j'aurais jamais imaginé. Par exemple, le film Jean de Florette avec mais là pas la première vieille version en noir et blanc dont j'ai complètement oublié le nom des acteurs, mais avec Yves Montand, Depardieu et à chaque fois j'oublie son nom. Daniel Daniel Auteuil. Auteuil, ouais. Voilà, c'est un film extraordinaire et le bouquin à lire est encore. C'est vrai. C'est totalement dingue. C'est des sacrés films. Et c'est pas. Enfin, maintenant, forcément, c'est vieux, mais pour le coup, c'était pas en noir et blanc. Et même encore maintenant, qu'il y a l'histoire, quoi, Jean de Florette. Bref, on pourrait presque faire une émission spéciale là-dessus. Clair, c'est clair. Mais on va te passer la parole, mon cher Nico. On va changer de sujet. Et tu vas Allez, nous totalement, là, parler ouais. de Rover Red Charlie, de Garcenis. Garcenis et Michael Di Pascale au dessin. C'est sorti cette année, en 2020, chez Comics Initiative. On l'a eu, comme souvent avec Jules, on participe à certaines campagnes Ulule que fait Comics Initiative. Et on l'a eu donc via une campagne Ulule cette année. Eh bien, déjà, il y a une préface d'Alan Moore dans ce titre qui est, elle est juste démentielle, cette préface. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser vous le procurer, ce titre qui a 18 balles dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce que c'est que Rover Red Charlie? En fait, ça parle de trois chiens qui se souviennent à un moment donné d'avoir été des chiens les plus heureux du monde. Mais ça, c'était à un moment donné où leur maître était là, était vivant et s'occupait d'eux. Parce que en fait, il y a eu une espèce une forme d'apocalypse qui s'est abattue sur le monde. Et on ne sait pas, on ne le saura pas dans ce comics. On ne connaîtra pas la raison de cette apocalypse. En fait, tous les êtres humains vont petit à petit devenir complètement fous et s'autodétruire, s'automutiler et mutiler aussi leurs semblables. Et du coup, le monde, il est constitué maintenant que d'animaux qui ne semblent pas atteints par cette folie. Et donc, ce petit trio canin, là, il va partir. Il va faire des espèces de pérégrinations. Il va partir en quête d'éventuels survivants parce qu'ils sont persuadés que de l'autre côté de l'Amérique, il y a des êtres humains qui ne sont pas atteints par la même folie que les humains qui sont autour d'eux et qui vont pouvoir aussi leur donner de quoi manger parce que leur préoccupation première à ces trois toutous, c'est de manger, c'est de trouver à manger, de savoir comment faire pour manger. Et on suit donc ces trois chiens qui sont. On se prend d'affection pour ces trois clébards parce que déjà il y a une naïveté non seulement dans le dessin de Michael Di Pascale mais aussi dans le scénario de Garcenis qui fait quelque chose d'ici de totalement inédit dans son œuvre. Même si parfois on entreaperçoit le Garcenis qu'on connaît habituellement, mais là c'est vraiment quelque chose qui est c'est un petit bijou, un petit bonbon, c'est très poétique et on est tout de suite dans le vif du sujet quand on commence le comics. Comme on dit en littérature, on est une medias res. La folie donc s'empare des humains, les chiens qui essayent de s'en tirer. C'est très haletant au départ, quoi. On a vraiment un moment donné où on a du mal à respirer. On a un premier chapitre qui se termine et c'est comme si on avait couru le 100 mètres et qu'on avait battu le record du monde parce qu'il se passe tellement de choses et ça part dans tous les sens. Et à partir du deuxième chapitre, ça va plus lentement et on a le temps de développer les choses et de découvrir un peu ce à quoi vont se confronter les trois clébards. Et c'est à partir de là aussi que les trois chiens, ils commencent à comprendre qu'ils doivent se prendre en patte et pas en main pour s'en sortir. Moi, j'ai adoré ce comics. Je l'ai lu, comme beaucoup de comics, dans mon lit le soir avant de dormir. Et je restais de temps en temps scotché. Je le posais sur ma poitrine comme ça et je regardais en face de moi et je me disais, waouh, quand même, c'est beau. C'est une belle leçon de vie qui nous donne là, ces trois chiens qui sont en plus dessinés de manière assez réaliste parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir des vrais chiens qui sont. Voilà, dessinés de manière réaliste, qui ont un manque d'expressivité pardon, graphiquement, Et ça m'a fait penser, j'en ai parlé avec Jules, ça m'a fait penser à C3PO dans Star Wars, où C3PO, il a aucune expression faciale, mais on les devine, ces expressions. On les sent par rapport aux situations et par rapport à la façon dont il parle. Et c'est ça qui est génialement fait de la part de Michael Di Pascal et au dessin. C'est un beau récit pour finir sur la condition animale et sur leur place dans la société. C'est un beau récit aussi sur le traitement que les humains font des animaux, sur l'utilité des animaux dans la société, sur l'utilité aussi des humains dans la société. Ça rejoint un peu ce que tu disais, j'ai tout à l'heure sur le film Plateforme, parce que c'est un miroir de notre société, un miroir, ouais, c'est ça, c'est sur le côté collectif, sur le côté individuel de notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des animaux? Est-ce qu'on peut apprendre des choses d'eux? Est-ce qu'on... Moi, du moment où je vois des chiens arriver à se lécher les couilles, moi, je dis que j'ai un truc à apprendre. Non, alors oui, non, mais ça, c'était justement mon mot de la fin, parce que ce titre, même s'il est blindé de poésie et de tendresse, il y a, comme je disais tout à l'heure, Garcenis, il laisse quand même traîner la patte et il laisse sortir le petit bidule de la braguette et forcément, il y a un chien, il n'arrête pas de se faire renifler le cul en demandant à ses comparses « ça va, tout va bien ?» Et les autres, ils font « c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon !» Et c'est à mourir de rire, en fait. Il y a des moments dans ce comics où on est pris de tendresse, etc. Mais il y a des petits moments ponctuels comme ça, on s'y attend pas du tout, où il y a une petite pointe d'humour, où on se marre vraiment. Alors, c'est du Garcenis, donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu gore, un peu violentes, forcément. Mais je le conseille, mais à 1000% ce titre, vraiment, je le conseille. Ouais, c'est un titre que je vous conseille d'acheter, de lire, de relire. Ne serait-ce que parce que aussi, on a ici affaire à une édition, c'est Comics Initiative, parce qu'ils font toujours du bel ouvrage à chaque fois. La traduction est top. C'est du soft cover. Donc c'est une lecture qui est facile puisque on n'a pas peur de plier le bazar, de le lire, de l'ouvrir, de le rouvrir, de le fermer. Donc je trouve qu'à tous les niveaux, on a affaire à quelque chose qui est hyper réussi. Vraiment, allez-y, foncez, quoi. Vraiment, vraiment. Il n'est pas cher pour 18 balles, ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'ai que ça à dire, comme on dit en Picardie, sur Rover Red Charlie. Allez-y. Et en plus, juste petite parenthèse, la couverture que vous avez là, sur le live, c'est une couverture, c'est une variante en fait de Laurent Lefebvre, qui est tirée à 150 exemplaires, je crois, et donc que vous ne pourrez pas avoir. J'aurai la couverture classique si vous l'achetez, qui est tout aussi belle, mais c'est pas Laurent Lefebvre qui l'a fait. Donc, allez-y, foncez, c'est un titre qui est mortel, vraiment, vraiment, et qui véhicule de belles valeurs et qui rejoint, comme je disais tout à l'heure, ce que tu disais, j'ai sur le film Plateforme, qui pose vachement de questions sur la condition humaine, sur les rapports qu'on peut entretenir les uns les autres et qu'on entretient aussi avec nos animaux. J'entends mon chat qui miaule derrière la porte et je vais aller lui ouvrir tout à l'heure parce que le pauvre, il est tout seul, le pauvre petit bonhomme. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a lu ou a envie de réagir ? Moi, je ne l'ai pas lu. Ça me fait penser un petit peu, alors bon, c'est peut-être parce que on a des animaux en personnages principaux et un petit peu à comportement humanoïde en tout cas, mais ça me fait penser là comme ça sur ce que tu dis à Nous Trois de Morrison et Quitely. Ah oui. Où, on retrouve un petit peu effectivement des personnages animaux, alors même si dans Nous Trois c'est un peu plus évolué, mais il y a effectivement toute cette réflexion autour de l'humanité et des messages qui sont faits passer par le biais d'animaux, et ça peut être très cool. Enfin, je sais que moi, Nous Trois, j'ai adoré, et du coup, aussi, Rover Red Charlie, je note. Il fait bien envie, le petit Rover Red Charlie. Mais, juste pour répondre à la comparaison avec Nous Trois, la comparaison avec Nous Trois, je trouve qu'elle s'arrête seulement au fait qu'on a des animaux en personnages principaux et au fait qu'on se pose des questions sur le traitement de l'être humain, mais ça s'arrête là, je trouve, la comparaison, même si elle est justifiée, la comparaison, mine de rien. Ok, cool. Merci. Voilà. Bien, on va pouvoir passer à toi, à mon cher Yanda, et tu vas nous parler de ton petit héros, de ton petit fétiche. Oui, parce que comme vous en parlez jamais et que tu m'as invité, je me suis dit vas-y, Il est temps de parler de choses sérieuses dans cette émission, hein. avant qu'il vienne nous parler de son Hulk et de toutes ses conneries, hein, on a déjà eu l'occasion d'en débattre, toi et moi, n'est-ce pas, hein, au terme d'un classement tout à fait... La violence. On en parlait la semaine dernière de cette émission-là. À mon sens, elle reste épique. Hein. À mon sens, elle était énorme. On s'était monté le bourrichon les uns les autres pendant une semaine. On est arrivé, on met le couteau entre les dents pour cet épisode du top des comics. C'était la guerre. 2 heures de guerre. On était à 2 doigts de se faire engueuler après en disant que t'as les mecs freinez un peu parce que vous avez quand même été très grossiers les mecs, c'est pas très cool. Écoute, ferme ta gueule, d'accord. Voilà. On était très très en colère. C'était génial. Vas-y mon ami, je t'en prie. Et donc du coup ouais, je voulais parler de Nightwing. Alors du coup je suis désolé, c'est un titre VO. Donc pour les gens dans le chat qui ne lisent pas de la VF, c'est un titre VO qui n'est pas dispo chez Urban et qui je pense ne sera pas dispo puisqu'on est sur la série Nightwing pré-New 52. Donc Urban n'a rien publié de ça. Mais j'avais envie d'en parler pour plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est du Nightwing écrit par Peter Tomasi. Donc voilà, plutôt un bonhomme au palmarès, plutôt intéressant, et que ça reflète un petit peu, si vous avez aimé ce qu'il a fait sur Batman et Robin, New 52 pour le coup, et ben c'est un petit peu dans cette lignée-là. Et ce tome-là, qui alors initialement devait sortir l'été dernier, en fin de compte, il est sorti là en début d'année. Il a été repoussé, et au final, il est sorti donc en début d'année. Il y a dedans 13 chapitres, les numéros 140 à 153 de la série, donc Nightwing pré-New 52, et ce sont les derniers numéros. C'est-à-dire que ça s'arrête dans... Jay, je lis le chat, tu es un connard. C'est donc la fin de la série Prénufique et tout, et ça se passe en même temps que... alors la fin, du coup, se passe en même temps que Batman RIP, donc l'arc de Morrison qui voit la disparition de Bruce Wayne. Et donc du coup c'est très très très très très bien. On a 2 arcs narratifs dedans. Le premier qui s'appelle Free Fall, qui est alors qui voit intervenir Ra's al Ghul et Talia al Ghul. Nightwing, enfin Dick Grayson change de métier. Il devient sous couverture conservateur de musée à Gotham. C'est très drôle. Et donc il y a toute une histoire avec Talia et Ra's al Ghul qui est sympa. Et la deuxième, c'est The Great Leap, le grand saut, qui est donc le dernier arc et qui l'a fait intervenir Double Face. Avec beaucoup de choses, des personnages qui vont décéder, plein de twists, plein de trucs. On a l'épouvantail aussi. Enfin, il se passe plein de choses. Et on finit sur cette note un petit peu de transition avec du coup Dick Grayson qui revient définitivement à Gotham et on le voit un petit peu vivre la disparition de Bruce Wayne, donc par le biais de la saga Batman RIP, à sa façon. Et si vous avez été touché par l'épisode 19, le Requiem de Batman et Robin, qui relate la façon dont Bruce Wayne apprend le décès de Damian, un numéro silencieux, qui m'a personnellement, on peut le dire, remué bien comme il faut. Là, c'est un petit peu dans la même veine. C'est très touchant. On retrouve Dick Grayson, Alfred et Tim Drake, qui est Robin à ce moment-là. Il y a plein de trucs, c'est hyper intéressant. Et ce que j'aime beaucoup dans cette vision de Tomasi, c'est qu'on a une vision de Dick Grayson qui est hyper humaine. Et il aborde un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'il présente, du coup, dans ces 2 arcs-là, il y a un fil conducteur qui est en fait la volonté de Dick de battre le record du monde de chute libre, qui est donc de 40 km dans le ciel. Donc en fait, c'est un saut en chute libre depuis l'espace. Et il a pour objectif de battre ce saut-là parce qu'il se découvre en fait une passion pour la chute libre. Et quand on connaît l'historique du personnage et le fait que il est trapéziste, etc., etc., mais que le décès de ses parents est dû à une chute, Il y a un parallèle qui est hyper intéressant et qui est exploité en filigrane par cette tentative de record-là et qui est vachement, vachement intéressante et vachement bien écrite par Peter Tomasi. Donc, c'est vraiment un comics très, très chouette. Et en plus de ça, au dessin, ça a très bien vieilli puisque bon, on est au début des années 2000. Mais c'est dessiné par majoritairement trois dessinateurs, Doug Mahnke, Don Kramer et Rags Morales. Vous avez parlé de crise d'identité la dernière fois avec Retrophile, ce nom vous dira peut-être quelque chose. Mais ça reste encore aujourd'hui très à propos, ça a très bien vieilli si on peut dire, puisque ça a à peine 10 ans. Mais ça se lit vraiment très bien. Et en VO, et c'est aux alentours de 25 euros voilà, en fonction du cours du dollar et des éventuels frais de conversion que peuvent vous appliquer vos libraires. Ça aussi entre 25 et 30 dollars pour ce bouquin qui est hyper intéressant et qui vaut très bien le coup et qui est tout à fait accessible même si vous ne connaissez pas vraiment ce qui s'est passé avant dans la série Nightwing. C'est pas dramatique en soi, ça n'empêche pas la compréhension de ce qui y est raconté. Et tu crois qu'un jour ils le publieront pas, non, tu penses pas qu'ils le publieront du côté d'Urban à un moment ou un autre? Franchement j'adorerais, hein, mais je sais pas. Je pense pas parce que je me dis que sinon on l'aurait peut-être déjà eu, au moins en essai, quand ils faisaient du kiosque. Remarque, alors je mens. Ils ont fait un essai parce qu'ils ont sorti en kiosque le premier arc de la série Nightwing pré-New 52, qui donc du coup date de la fin des années 90. Ils l'avaient sorti en kiosque, je ne sais pas si je l'avais pris d'ailleurs ou pas le kiosque, moi je l'ai en VO, mais c'est tout, mais en relié en librairie, non, c'est jamais sorti. Là, ils sont en train de ressortir les intégrales New 52 pour le coup. Mm-hmm. Je ne sais pas. Ah, est-ce que ça vient à un public, hein? Cette intégrale de Nightwing. Alors oui, carrément, oui. Mmh. Oui, et surtout le premier volume qui sont les meilleurs, parce qu'après, je pense, je n'ai pas la réponse à cette question, mais quand je vois la façon dont tu as évolué d'ici, depuis, je suis conforté dans cette opinion-là, mais je pense qu'après, Kyle Higgins a un petit peu souffert de l'omnipotence Scott Snyder sur le Batmanverse, et donc il a été beaucoup moins libre de faire les histoires qu'il avait envie de faire avec le personnage. Mais au début, jusqu'au crossover avec le deuil de la famille, c'est très très très bien, et c'est ce qu'il y a dans ce premier tome d'intégrale. Et ça vaut carrément le coup, ouais. Si vous n'avez pas les tomes New 52, vous avez envie d'une bonne lecture sur le personnage de Nightwing, carrément. Oui, il y a des intrigues liées à la cour des hiboux aussi au début du coup. Oui, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que ça c'est très cool. Il y a un parallèle qui est hyper intéressant, qui est repris d'ailleurs en VO là actuellement. Alors ça, je pense qu'on l'aura jamais en VF aussi, puisqu'ils se sont arrêtés sur le Rebirth parce que c'est compliqué. Mais ça c'était effectivement un point très très cool. Eh bien, merci. Alors, je présume, là, je suis certain que personne ne l'a lu autour de la table. Non. Moi, j'ai lu une 52, non, mais pas celui-là. Mais on a lu une justice. Et on a lu une justice, ouais. Je trouve que le personnage, c'est une très belle mise en valeur. Eh ouais, mais Yanda, t'arrives, tu mets les pieds dans le plat. Oui, mon Nightwing. Et voilà, quoi, à un moment donné. C'est ma faute. Tranquille. Non, mais... J'avoue que les Nightwing New 52, je t'avais déjà demandé, mais tu me les avais conseillés aussi, et bon, je les avais pas pris quand ils étaient en simple tome, et là, putain, il y a bien le goût de les prendre, hein, quand même. C'était censé sortir, sympa, hein. De quoi, l'intégrale? Ouais. Là, je sais pas si ça fait partie du coup des vagues repoussées parce que le confinement était arrivé ou si ça a eu le temps de sortir, mais bon, de toute façon, vu que là tout est fermé, voilà. En avril, mais je sais pas, mais ouais, c'est là, hein. C'est incessamment sous peu. Moi, je sais pas. C'est hyper bien, ça. Ça va être le bordel. Comment ça me manquait salement. Mais le problème, c'est que maintenant, ils pensent peut-être, enfin, ils savent pas comment faire parce qu'aux États-Unis, ils se sont posé la question. Après, on va dire 2 mois de confinement, tu peux pas noyer le marché des comics comme ça. Le libraire ne va pas pouvoir absorber, et le marché ne va pas pouvoir absorber 2-3 mois de sortie. Aux États-Unis, ce qu'ils pensent faire, c'est sortir que les nouveautés. Tout ce qui est réédition, ne pas les sortir. Du coup. Et en France, le même problème va se poser, du coup, parce que soit ils décalent leur calendrier purement et simplement, ce qui foutra tout le temps un peu la merde, hein, ou ils vont faire du tri dans les sorties qui... et à les diluer après, plus tard, le calendrier. Ça va être compliqué, ça. À voir, je sais pas. Bah après, pour l'instant, ils risquent pas de communiquer. Ils doivent être en train de se gratter la tête pour savoir comment ils vont faire. Et puis, bah, déjà, savoir jusqu'à quand ça va durer, comment ça va pouvoir reprendre, quand ça va reprendre. Après, c'est autant de données qu'ils n'ont pas. Et puis, j'ai peur qu'il y ait des éditeurs qui ne réussissent pas. Ils risquent de vraiment souffrir. Il va y avoir de la casse. Mmh. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ça va être compliqué. Ça n'aura jamais été autant d'actualité que d'acheter. Chez des petits, ouais, chez son libraire, mmh. C'est clairement oublié Amazon, les gars, parce que faut surtout pas donner du pognon à ces gens-là en ce moment, alors surtout pas, quoi. Déjà, ils surtout que vous avez... vas-y, vous avez vu les initiatives là, justement, qui sont un peu faites de partout. Là, il y a Laurent Lefebvre qui fait des prints pour les libraires, il y a aussi Paul Renaud, j'ai vu, qui a fait pour Comic Zone. C'est vrai que c'est, il y a des belles actions, je trouve. Moi, j'avoue que bon, bah, du coup, faut acheter quand même à proximité. Donc, je garde mes sous pour débuler des hommes, clairement. Parce que oui, ils n'ont pas de vente par correspondance, tout ça. Donc, voilà, ça risque de faire très très mal pour eux. Et c'est vraiment. Saint-Etienne, c'est une grande ville, mais on n'a pas non plus de magasin VO, ni spécialisé comics pur. Et c'est le magasin BD par excellence, hein, clairement. Le point positif, c'est que les éditeurs ont arrêté d'approvisionner en comics, parce que le drame, ça aurait été qu'ils approvisionnent Amazon avec les nouvelles sorties et que les gens se jettent dessus. Là, ça aurait été laid, quoi. Clairement. Donc, ça limite la casse, quoi. Le problème est qu'aussi, après, effectivement, sur les librairies, les librairies spé qui vont vraiment faire la BD ou voire même a fortiori du comics. On est sur un marché qui reste un marché de niche et déjà que globalement ça va être compliqué pour tout le monde. Effectivement, les commerces, même sans être sur de la librairie, mais même les commerces un peu spécialisés, je pense que les sueurs froides sont présentes, quoi. Puis il faut prendre en compte tous les gens qui ont été aussi en chômage partiel, qui ont vu leurs revenus un peu baisser. Le petit comics du mois, ils y passaient, donc. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de librairies comme ça spécialisées qui participaient à des festivals de BD et de comics. Et moi, je pense à Bulle en Stock à Amiens, notre BD à Jules et moi, notre libraire à Jules et moi, qui fait clairement un 13e mois en un week-end au rendez-vous de la BD d'Amiens, qui sont annulés. Les rendez-vous de la BD d'Amiens sont annulés. Et même pour eux, ils vont avoir du mal à s'en remettre, mais ils continuent en fait à. Ils proposent des réservations. Nous, par exemple, on est en contact avec un des libraires de cette librairie et qui nous propose des choses et qu'on peut réserver. En fait, ils font plus de commandes, ils font plus de livraisons, évidemment. Mais d'ailleurs, ils militent contre toutes les livraisons possibles, comme beaucoup de libraires indépendants, d'ailleurs. Et nous, on peut réserver. Et c'est ce qui va peut-être les sauver, d'ailleurs. C'est ce côté, cette réservation possible, et on essaye au possible de garder le lien avec eux, en tout cas pour les soutenir aussi, parce qu'ils en ont clairement besoin, effectivement. Eh bien, on va pouvoir continuer. Dans cette bonne ambiance, on est guillé ce soir. Et c'est moi qui m'y colle avec un manga, mais un manga qui va pas vous coûter cher parce que il est plus disponible. Donc voilà. Super, merci. Super. Mais par contre, vous pouvez vraiment le retrouver d'occasion. J'ai vérifié quand même avant, il y en a énormément. Ça s'appelle Noritaka, le roi de la baston. C'est en 18 tomes, c'était chez Glénat. 18 tomes en manga, c'est rien, hein. Rassurez-vous. Hein. C'est que dalle. Et c'est sorti entre 1991 et 1994 au Japon. Donc autant vous dire que là, c'est pareil. On est vraiment sur un truc à l'ancienne. Et c'est de Takashi. Pardon, il faut le dire avec l'accent de Ramoud, sinon regarde. Takashi Hamori et Hideo Murata. Et donc, c'est un manga absolument génial, absolument fabuleux. Je te coupe, excuse-moi. Ton accent japonais me subjugue. Voilà, merci. C'est tout. Merci. J'ai fait japonais 7e langue. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Franchement. Ça se ressent. Qu'est-ce que tu veux, c'est le talent. Je peux pas. On m'entend de loin. Je vais monter un tout petit peu le volume. Et voilà. Là, normalement, vous m'entendez nettement mieux, les enfants. Ah voilà. Et mais en même temps, c'est Alric hein, qui m'entend pas bien. Mais oui, mais papy, mais à cette heure-ci, normalement, t'es couché. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? T'as Louis qui baisse, vieux, c'est comme ça. Donc, Noritaka. Ici, c'était que Louis encore. Pardon, oh là là, oh l'enculé. Et donc, Noritaka s'appelle Noritaka Sawamura. Et c'est un jeune lycéen qui a très envie de laisser derrière lui ses années de collège, ses années où il était un jeune plutôt... On peut pas dire qu'il était dans le move, hein. C'était pas le héros du collège. C'était même plutôt un petit être freluquet qui se faisait embêter par tout le monde avec un doux sobriquet du nom de Kaka. Hein. Il a passé toutes ses années de collège en se faisant appeler Kaka. Et donc, il espère qu'au lycée, ça va enfin changer. Et il va s'éprendre d'une jeune fille absolument... Alors que Vanessa me demande maintenant de parler moins fort. il va s'éprendre d'une jeune fille qui s'appelle Nakayama, une jeune fille absolument magnifique. Voilà. Et au moment où il va commencer un tout petit peu à espérer pouvoir voir naître une idylle avec elle, il va passer pour malheureusement pour un gros faible. Hein, voilà. Et elle va lui dire d'une manière assez méchante qu'elle déteste les faibles. Et là, donc du coup, il va se promettre à lui-même de ne plus jamais être faible, de ne plus jamais redevenir caca et de devenir fort. Et il va vouloir apprendre le Muay Thai. Il va apprendre un sport de combat, voilà, le Muay Thai. Et il va rencontrer son maître, celui voilà, qui va lui apprendre un petit peu toutes les techniques et qui s'appelle Maître Maruyama. Maruyama. Merci, Yanda. Et comment vous dire ? Alors le pitch, on est vraiment sur un genre action et surtout... comique, mais qui est absolument... Enfin, moi, ça reste un de mes mangas vraiment favoris, fétiches, parce que ça... C'est... Je sais pas comment dire. Ce gamin, il n'a absolument rien qui ne le prédestine à devenir un grand champion de Muay Thai, clairement. C'est un gringalet, etc. Et il va toujours se retrouver dans des situations totalement dingues et dans des merdes totalement... immenses qui vont de l'obliger à se surpasser et à devoir affronter des personnages à chaque fois toujours plus effrayants. Au début, il va devoir affronter le champion de boxe du collège alors qu'il ne sait faire qu'un simple low kick, un simple petit coup de pied bas, voilà. Et il va réussir, voilà, spoiler, à le battre. Sauf que ça va énerver le champion régional de boxe qui a quand même un peu la gueule à Mike Tyson, on peut le dire, un Mike Tyson japonais, mais un sacré morceau. Et etc., etc., etc. Et à chaque fois, il va tomber sur des personnages absolument dingues. Alors, si vous aimez le genre un peu comique, parce qu'il y a vraiment mais des moments, mais d'une dérision, mais dingue, où c'est rare quand je ris réellement devant une BD ou un manga, mais là, il y a vraiment des fois où vraiment, vraiment, j'étais vraiment mort de rire, parce qu'il y a tout simplement des situations qui sont géniales. Et si vous aimez les sports de combat, là où le scénariste est fort, c'est qu'il est toujours extrêmement précis dans ce qu'il dit, dans les gestes, dans les techniques, et notamment dans les références historiques autour des sports de combat. C'est-à-dire que si vous aimez un tout petit peu le MMA, la boxe, le karaté, voilà, tout ce genre de trucs, il va à chaque fois référencer des techniques en disant « Là, il fait une technique qui fait penser nanana, au crochet de Mike Tyson à l'époque, quand il avait fait ça, mais on se rappelle que James Buster Douglas avait réussi à l'avoir avec ce coup-là. » Et c'est absolument... génial. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, ce manga. Non, évidemment, personne ne connaît rien de pas ce du que... tout. Voilà. Pas du tout. Mais ça donne envie, carrément. Et du même auteur, j'avais lu le manga Katsuyo. Et ben, tout à fait. Enfin, le début, j'avais lu un ou deux tomes, et c'était... Bah, en fait, c'est vraiment le même délire. C'est un jeune qui un jour voit son meilleur ami se faire racketter, et qui veut apprendre le sport de combat. Et là, peu de temps avant, il avait rencontré quelqu'un sur Internet, et il s'avère que cette personne pratique les arts martiaux, et donc va essayer de lui apprendre des enchaînements de combats, etc. Et pareil, c'est des situations, il se retrouve à chaque fois des situations à mourir de rire. Et t'as aimé un moment... Oui, ben, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Bon, ça fait... enfin, j'étais au lycée, hein, c'était vraiment sympa. C'est de la merde comparé à Noritaka. Pourtant, tu vois, c'est, ça me fait vraiment penser à, c'est sympa. À ça. C'est de la merde comparé à Noritaka. Parce qu'en fait, il a fait Noritaka, et dans Katsuo, c'est le dessinateur qui fait à la fois et scénario et dessin, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Alors que dans Noritaka, il y a un scénariste. Et un dessinateur. Et si tu veux, dans Katsuo, il surfe clairement sur la vague en fait qu'était Noritaka. Il surfe sur le truc, voilà. Sauf que, mais c'est carrément moins bien. Si je peux juste engager un truc, essayer de choper simplement le tome 1 et le tome 2 d'occasion. Mmh. Pas plus. Et à voir si ça te fait kiffer. Parce que c'est un arc complet en deux tomes. Au pire, bah t'arrêtes là. Mais je serais très étonné. Ouais, voilà, parce que ça me fait vraiment penser dans l'idée, parce qu'à un moment, je me souviens, il y a une scène, ça, je me souviens encore, qui m'avait fait marrer, parce qu'il rencontre donc le mec dans un café, le mec qui avait tapé son meilleur ami, et l'autre, il lui dit, alors d'abord, tu lui donnes un coup dans la gorge, ensuite, tu arraches tu soulèves la table. En fait, tout l'enchaînement était basé sur la table, et il rencontre le mec dans le café, il lui donne le coup de la gorge, il va pour soulever la table, mais tu sais, c'est dans les bars, les tables sont vissées au sol, tu vois. Et donc il essaye de tirer la table, mais il peut pas en fait. Ouais, il se fait défoncer, mais en fait c'est le personnage, il arrivera toujours à se démerder sur des coups de chance en fait, sur des malentendus, ça passe. Et en plus le truc qui est génial, c'est que les combats sont vraiment super bien faits quoi. C'est le premier combat, c'est vraiment c'est un petit combat de rue, et tout de suite après on commence vraiment à aller sur des rings, des trucs comme ça, avec des combats vraiment beaucoup plus réels, cadrés, et en plusieurs rounds et tout, avec à chaque fois des techniques qui existent. Mais ce que j'aime aussi, c'est le moyen qu'utilise le maître Maruyama pour apprendre les techniques à Noritaka, c'est toujours des... Tu ne comprends pas son entraînement, mais à la fin, tu vas comprendre pourquoi il a fait ça pour pouvoir réaliser cette technique. Par exemple, il veut lui apprendre le high kick. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coup de pied haut directement dans la tête. Et pour qu'il ait vraiment de la force dans son high kick, il va lui faire monter une côte en vélo tous les jours. Parce qu'en haut de cette côte, il va ramener du verre, des bouteilles de Coca-Cola qui sont consignées. Et enfin voilà, après je passe les détails, voilà, il comprend pas pourquoi la bagarre, pourquoi il monte tout le temps cette côte à vélo, et à la fin il comprend pourquoi, parce que le jour il met un high kick, il se rend compte qu'il a acquéri une force absolument dingue avec ce high kick, le high kick de la bicyclette. Voilà, c'est génial comme truc. Après Glénat, ils sont beaucoup dans une politique de réimpression de manga assez célèbre et mythique, donc avec un peu de chance. Là, je regarde, il est à 25 balles d'occasion, quoi, le tome 1. Non. Si. Ah bah après, sinon, moi j'ai mon oncle Hirohito Rubrik qui peut vous dépanner, mais bon, après, ça c'est vous qui voyez. Voilà, je crois qu'on va pouvoir passer à une autre geekerie du côté de Jerem. Mais oui, tout à fait. Eh bien, tu vas nous parler de Better Call Saul. Exactement. Alors moi je suis pas très série télé à la base. Tu disais que t'avais beaucoup d'années de retard sur les séries. Je pense que je te bats quand je disais que j'ai pas vu des grandes séries des dernières années comme Game of Thrones. C'est vrai, j'ai pas vu. Donc j'ai beaucoup de retard sur les séries. Et il y a des séries par contre qui m'ont halluciné. Et du coup bah Better Call Saul c'est là je voulais vous parler de la saison 5, mais je vais un petit peu parler de la série parce que c'est un peu un coup de cœur global dans sa globalité. Donc c'est le spin-off de la série Breaking Bad, donc qui était sortie en 2008, qui était également composée de 5 saisons, qui était réalisée, bah, tout à l'heure on parlait de X-Files, bah, c'est Vince Gilligan aussi qui était scénariste sur X-Files, qui était scénariste également sur Breaking Bad et Better Call Saul. Donc je pense que vous avez vu Breaking Bad, je pense. Non, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît le pitch, mais on sait jamais. Hein. Et du coup, bah, moi, je me suis lancé sur cette série. Je pense que c'était à la base, je crois que quand le projet a été lancé, les scénaristes, etc., savaient pas si ça allait vraiment fonctionner, parce que c'est toujours un peu délicat de revenir sur une série culte en sélectionnant un personnage et en faisant un spin-off. Et du coup, la première saison, ils y sont allés un petit peu à tâtons. Et moi, j'ai adhéré dès les premiers épisodes parce qu'on retrouve l'ambiance de Breaking Bad, je trouve. On retrouve cette lenteur, parce que c'est une série ultra lente, en fait. Beaucoup plus lente, elle est encore plus lente, je trouve, que Breaking Bad. mais il y a des personnages qui sont hyper attachants dans cette série. Et truc bizarre, c'est que quand moi j'ai commencé Better Call Saul, la première saison, je voulais voir des personnages de Breaking Bad. Parce que la série était tellement ouf que je me disais, bah, je veux retrouver ces personnages de Breaking Bad. Et en commençant la première saison, bah, on se rend compte qu'il y a par-ci, par-là, quelques petits personnages, mais on ne les voit pas, en fait. Et là où c'est fort, c'est que cette série va nous faire... on va s'attacher à des nouveaux personnages qui n'existaient pas dans Breaking Bad. Et petit à petit, on a des petits personnages comme ça qui sont de temps en temps injectés dans la série de l'univers Breaking Bad. Mais il y a des personnages qui n'existaient pas, auxquels moi, je me suis hyper attaché et j'attendais chaque épisode, chaque semaine. Et on va découvrir le cheminement donc, de Jimmy McGill, donc, qui va devenir Saul Goodman dans le futur. Qui est un avocat un peu filou, un peu qui a toujours des combines, qui, enfin, faut pas dire que c'est un avocat classique. Et du coup, on découvre son histoire, donc dans la saison 1, où on découvre que son frère est avocat et lui veut devenir comme son frère avocat, mais son frère n'accepte pas que Jimmy donc devienne avocat. Et du coup, c'est juste incroyable. Il y a des personnages qu'on retrouve dedans, donc notamment dans les dernières saisons, là, surtout sur la saison 5, on va retrouver Gustavo Fring, qui est pour moi qui est un super méchant, hyper charismatique. C'est un personnage qui est pas très expressif, mais il en impose, je trouve. Il y a un truc. Et on retrouve, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Mike Ehrmantraut, l'homme de main qu'on avait dans Better Call Saul, et qu'on retrouve de nouveau avec. C'était l'homme de main dans Breaking Bad, et on le retrouve avec Saul Goodman. C'est de nouveau, on découvre comment ça devient son homme de main. C'est juste génial, moi. La saison 5, je m'en lasse pas. Là, je regarde chaque semaine, dès que l'épisode y sort, je le regarde. Et c'est un réel coup de cœur. Donc moi, je recommande vraiment vivement cette série si vous avez aimé Breaking Bad. Et après, par contre, il faut aimer les séries qui ont un rythme lent. Si vous aimez les trucs où c'est un peu péchu, c'est dynamique, passez votre chemin. Breaking Bad, ça sera vraiment pas fait pour vous. Mais si vous aimez les trucs un peu plus posés, avec vraiment une ambiance, avec une caméra qui va bloquer pendant quelques minutes sur une route, jusqu'à ce qu'on voit une voiture juste qui passe, bah vous aimerez Better Call Saul. Mais il faut vraiment aimer ce style de série, en fait. Donc, je sais pas si vous êtes lancé sur cette série qui est sortie il y a déjà un petit moment, qui traîne, en fait, parce qu'elle est sortie depuis 2015, ça a commencé. Je sais pas si vous avez déjà vu quelques épisodes ou quelques saisons. Oui, bah moi j'ai vu, là c'est quoi, la saison 5? Là c'est la saison 5, ouais. Voilà, bah moi, j'ai pas encore vu la saison 5, mais j'ai vu les 4 premières et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Au début, je me suis un peu lancé tardivement. Je crois qu'il y avait déjà 3 saisons de sortie, et parce que j'avais adoré Breaking Bad, puis j'ai entendu du bien. Et du coup, je me suis un peu lancé dessus, voilà, sans en attendre grand-chose. Au final, j'ai dévoré les 3 saisons. Puis la relation avec son frère, elle est absolument géniale. Ah oui, c'est ça qui est très très fort, c'est qu'il y a une tension en permanence. Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc que j'ai avec Saul Goodman, je ne sais pas si c'est un personnage que j'aime ou que j'aime pas, en fait. On n'arrive pas à le cerner, en fait. Des fois, on se dit... il me fait un peu de peine, et des fois on dit, c'est quand même un salaud, quoi. Donc c'est très très difficile de se positionner par rapport à ce perso, je trouve. C'est ça, et on a une belle évolution, en fait, de qui est Saul Goodman, et à la base de qui c'était, ses convictions, parce que voilà, dans Breaking Bad, c'est un magouilleur, un salaud, il n'est pas forcément méchant, mais c'est vraiment l'avocat pourri, et qu'on découvre, en fait, qu'à la base de la saison 1, c'est un mec qui avait quand même un certain sens de l'honneur, et on va petit à petit comprendre pourquoi il en est arrivé là, quoi. Ouais, c'est ça. On voit son parcours, justement, comment il est devenu Saul Goodman. Ça, c'est ça que je trouvais intéressant, qu'il lui donne une identité qu'il n'avait pas au départ, en fait. C'est ça. Il y a plein de petits détails qui sont jetés tout au long de la série. Parce que moi, j'attendais le moment où on se dit, mais quand c'est qu'il va devenir Saul Goodman? Et ça, on nous le tease tout le long des saisons. Je trouve ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Oh, c'est vraiment une belle réussite. Donc moi, je recommande. Eh ben, ma foi. Yanda, je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, pas Better Call Saul. J'ai vu Breaking Bad. J'ai adoré Breaking Bad après avoir mis le temps. La première saison, c'était très, très, très, très, très long. Surtout la première partie. Et après, ça commence à vraiment décoller pour ne plus jamais s'arrêter et atteindre... les stratosphères de la série télé. Est-ce que c'est Vince Gilligan qui s'occupe de Better Call Saul aussi? Ouais, c'est le créateur de la série aussi. Ouais. D'accord, ok. Mais ouais, du coup, depuis la sortie, je m'étais dit, ah, faudra que. Et puis, je suis jamais arrivé à ce stade-là de ma liste de séries à voir. Donc du coup, non, pas encore vu Better Call Saul pour ma part. Pas mieux. Nico, tu l'as vu ? Non, pas du tout, mais ça me donne carrément envie. Vraiment. J'ai découvert plein de choses ce soir et je vous faites chier, quoi. Ok, bah merci hein, du coup pour ces paroles très franches. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la dernière geekerie de la soirée et c'est toi, Mister Yanda, qui t'y colle. Ah, c'est moi ? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Très bien. Et tu vas nous parler de. Je sais plus. Si. Non, si. Je voulais vous parler d'une série télé aussi qui m'a mis une énorme gifle, comme assez peu de séries l'ont fait. C'est la série Mister Robot, série de Sam Esmail avec dans les rôles principaux Rami Malek et Christian Slater. Il y a la quatrième et dernière saison qui s'est terminée fin 2019 et qui est à l'image de la série télé, c'est-à-dire tout bonnement hallucinante pour tout un tas de choses. Pour vous faire le pitch de cette série, on y suit donc le personnage interprété par Rami Malek de Elliot Alderson, qui est en fait un informaticien plutôt de génie, enfin en tout cas très doué, qui travaille dans une boîte de sécurité informatique et qui en fait souffre de paranoïa, d'anxiété sociale et de dépression. Et en fait, la seule façon, les seules interactions qu'il a avec les gens, c'est parce qu'en fait il les hack. Pour les faire chanter, c'est-à-dire que la série s'ouvre en fait sur une personne qu'il rencontre dans un bar, et en fait très rapidement on se rend compte qu'il est en train de faire chanter cette personne pour lui extorquer une partie d'argent, non même pas de l'argent puisqu'il s'en fout de l'argent, mais en gros pour que la personne arrête de faire ce qu'elle fait, elle diffuse des images à caractère porno-pédophile, et voilà, du coup il a hacké, il a toutes ces infos là à sa disposition et il menace de le balancer, sauf qu'en fait en se barrant on se rend compte qu'il l'a déjà balancé et que le mec se fait serrer, et en gros donc ce personnage là d'Eliott va se faire recruter par l'autre personnage principal interprété par Christian Slater, le fameux Mister Robot, qui est lui aussi un hacker, mais par contre, lui clairement du côté sombre entre guillemets, c'est-à-dire du côté un peu plus anarchiste. Il est à la tête d'un groupe de hackers qui s'appelle F Society pour Fox Society, et il est en train de mettre en place une énorme opération informatique qui vise à faire tomber une des plus grosses corporations américaines et permettre à une très grande partie de la population américaine de voir effacer leur crédit en cours et de pouvoir un peu remettre à flot l'économie au niveau des gens. Tout un programme. Et voilà, ça c'est le pitch de départ, et à partir de là, la série s'envole. Et c'est absolument fabuleux en termes déjà de films, en termes de propos. Les acteurs sont extraordinaires. Ils ont eu plusieurs nominations, alors un paquet de nominations pour tout un tas de rôles. Christian Slater en a récupéré pas mal de prix, la série aussi, et il me semble que Rami Malek également. C'est la série d'ailleurs qui a fait exploser au grand jour Rami Malek, et qui aujourd'hui fait que depuis il a interprété Freddie Mercury dans le biopic qui est sorti, et il va également jouer le rôle d'un des prochains vilains dans le prochain James Bond. Et c'est un acteur qui est extraordinaire, Et cette série est superbe. Et ce qui, moi, j'ai trouvé aussi de passionnant dans la série, au-delà de l'histoire et du rythme, et de tout ce qui est abordé en termes de propos sur la société, sur la façon dont la technologie est utilisée au sein de la société, etc. Et même aussi au niveau des maladies psychologiques et de comment voilà, les gens qui souffrent de ces problèmes-là peuvent vivre, essayent de vivre ou de survivre en tout cas. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que toutes les opérations informatiques qu'on voit dans cette série, donc toutes les tentatives ou les opérations de hack qui sont faites, toutes les opérations informatiques, ne sont pas comme dans 95% des séries télé, une personne qui pianote sur un clavier et qui d'un coup va repérer une plaque d'immatriculation à 3 km parce qu'elle a réussi à faire un zoom. C'est des opérations informatiques qui sont vraies, qui sont possibles, qui sont réalisables et réalisées. Sam Esmail a énormément travaillé et fait des recherches sur toute cette partie-là, pour s'appuyer sur des choses qui sont réelles. Donc en fait, tout ce que vous voyez dans cette série, en termes de technologie, en termes de possibilités, en termes de techniques de hack, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont réalisables et qui existent. Et je trouve que ça rend d'autant plus puissant le message de cette série, parce que elle montre clairement les possibilités qui sont offertes aux hackers. Alors c'est quand même un certain niveau de hack. Il y a des opérations qui peuvent être faites par beaucoup de gens à partir du moment où on creuse un petit peu sur les fonctionnements. Après, il y a d'autres opérations qui sont quand même nettement plus avancées, mais c'est techniquement faisable et c'est vraiment vraiment vraiment génial. Et la dernière saison, termine. Si je devais faire un parallèle, c'est tout sauf Lost. C'est une vraie fin, c'est une fin réussie et c'est vraiment génial. Une grosse, grosse, grosse, grosse, grosse gifle par cette série et par chacune des saisons. Chacune des saisons a apporté sa pierre à l'édifice, a fait avancer l'histoire d'une certaine façon. Il y a des twists dedans. À chaque fois, j'étais là, wow, d'accord, ok, ce sont des génies. Je suis un peu dithyrambique, donc j'ai essayé de me freiner parce que je voudrais pas survendre le truc. Mais pour moi, qui, de par mon métier et de par ce que j'aime faire, très friand de justement tout ce côté techno, données, hack aussi, interprétation et ce qu'il est possible de faire. Je me suis vraiment retrouvé dans un milieu que j'aime et ça a su me parler parce que justement, c'est pas comme dans les experts ou dans NCIS. On est vraiment sur des choses qui sont plausibles, qui sont faisables et qui du coup sont hyper crédibles parce que réelles, quoi. Alors avant de poser la question pour savoir si quelqu'un a vu cette série, t'as comparé ça à Lost. Lost, t'as pas trop aimé ? Le final. Ouais, parce que tu sais que dans cette émission... J'ai trouvé le final décevant. Quand on dit du mal de Lost, généralement il y a Jules qui apparaît. Jules, es-tu là ? Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bonsoir Jules. Alors moi je demande à ce qu'on me vende du rêve sur Mister Robot. Et tu dis que Lost, c'est de la merde ? Alors, dégueulasse. Non, c'est un raccourci. Moi ça fait deux heures que j'écoute l'émission pour intervenir au dernier moment, d'accord ? Que je suis là. Non, mais je plaisante, bien sûr. Mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que c'est de la merde, c'est pas possible. La fin de Lost, c'est quand même extrêmement décevant. Après une telle montée, je suis arrivé à la fin, je dis, est-ce qu'on se fout de moi ? Enfin, je sais pas. Moi, pour le coup, j'ai pas été déçu, donc je peux pas dire. Ah, je suis un gamin, après... je te jure. J'ai eu envie de te faire venir juste pour la fin d'émission. Tu restes avec nous jusqu'à la fin ? Oui. C'est-à-dire que la fin, maintenant, ça va durer. C'est dans une heure et demie, non ? Depuis que Julien. Maintenant que Julien. Et donc, tu as 18 guigris pour nous. Sans déconner. Je me suis fait la réflexion pour toi, mon poussin. Alors arrête. Je me suis dit, mais il en finit pas de parler sur Overhead Charlie. C'est pas possible. Il veut nous vendre. Il a des parts. Comment ça se passe ? C'est vrai. Mais non, t'inquiète pas. Mais c'est cool. Non, c'est cool. Non, mais je parle du calme. Pour les autres, arrêtez. Julien, on parle là. Alors on se tait. Moi, j'ai l'habitude, mais c'est pour les autres surtout. Je voudrais pas qu'ils meurent. En tout cas, Mister Robot, pour rebondir sur ce que disait Yanda, Mr. Robot, ça fait très longtemps que j'ai envie de me la faire, cette série. Et du coup, ouais, tu m'as un peu vendu super bien le truc et je pense que je vais m'y mettre très vite. Alors, est-ce que c'est un des meilleurs, enfin, quelque chose pour moi et t'as trois mecs du collectif comics.fr qui sont là, c'est du contrôle, plus rien, t'es plus chez toi, c'est une catastrophe. Ah, mais laisse-le finir sa review à un moment donné. Un truc qui est très, pour moi, qui est très révélateur, enfin, une très bonne vision de la série, tu peux trouver ça sur YouTube. C'est le monologue de Elliot, donc de Rami Malek, qui est dans l'épisode 4 de la saison 1 de mémoire. Chez sa psy, il suffit juste de taper dialogue Fox Society et t'as une tirade, un monologue de je crois 45 secondes ou une minute de Elliot Alderson qui est fabuleux. Et voilà, tu regardes ça et si tu dis ah ok d'accord, ça effectivement on est sur un truc assez sympa, t'accrocheras à la série sans l'ombre d'un doute. D'accord. Mais je suis très content moi parce que c'est Christian Slater, c'est un acteur que j'aime particulièrement et je trouve qu'il a été injustement boudé par tout Hollywood. Vrai. Et du coup, c'est ça aussi qui me faisait aller vers ce titre. Et... Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, il est bon dans la série. Il est excellent. Ah. Et il y a combien de saisons ? 4. Et alors, excuse-moi, mais tu l'as peut-être dit, parce que le temps que je passe d'une autre pièce à l'autre, que je démarre l'ordi, tout ça, j'ai pas entendu la fin de la chronique. Et du coup, Christian Slater, il tient quel rôle dedans ? Il joue le rôle de Mr. Robot, du personnage de Mr. Robot. Ah d'accord. Qui est donc, qui est en fait un personnage qui va venir recruter Elliot pour rejoindre son groupe de hackers. Ok, parce que moi, du coup, Mr. Robot, je croyais tout bêtement que c'était Rami Malek, en fait. Et non. D'accord. Ok. Ok. Bah écoute, super. Est-ce que quelqu'un autour de la table a vu Mr. Robot et a envie de réagir ? Pas vu du tout. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de réagir parce que c'est une série, excusez-moi. Mais comment tu peux réagir si tu l'as pas vu, putain ? Mais non, mais c'est une série sur Amazon Prime quand je me mate le maître du haut château. Et qui, avec des nazis. La miniature apparaît en premier quasiment, et c'est une série qui me hype de fou. Et là, encore plus. Ça s'est joué à une croix gammée. C'est dingue, hein. Et du coup, Jules, juste un petit message pour toi. Étant donné qu'on partage Amazon Prime, si tu regardes en même temps que moi, il faut qu'on se cale pour savoir où on en est, alors, parce que sinon, si on va reprendre. Éventuellement parler de ça après l'émission. Vous êtes bien aimables, mais enfin, à un moment donné, il va falloir fermer vos gueules. du coup, on peut considérer qu'on a fini la geekerie, et puis maintenant, on va passer aux quelques petites questions pour nos invités que j'ai pu récolter ici et là. Alors, j'ai fait du tri, hein, je vous le dis, hein. Putain. Ah, il y en avait des questions. Mais avant de rentrer sur les questions pour nous dire au revoir, j'ai envie de laisser Jérém et Yanda nous faire un petit instant promo pour vos chaînes respectives. Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous nous préparez ? Puis on va commencer par toi, Yanda. Tu as sorti une vidéo il n'y a pas tellement longtemps sur le travail de J'ai mangé le nom de ce dessinateur. Hubert Méjou. Non, c'est pas son nom. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, si on se base sur une échelle de temps de l'existence de ma chaîne, c'était il n'y a pas très longtemps. Si on se base à l'échelle de sur une existence. Ouais, voilà, si on se base après si on se base sur l'échelle de l'algorithme YouTube, c'était il y a une éternité. Alors moi sur ma chaîne, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je parle principalement et uniquement de DC, urban très fortement parce que j'essaye d'orienter sur la VF et pas trop VO. La dernière vidéo que j'ai faite effectivement était sur l'artbook de Liber Mero, qui est une vidéo dans un format original, ce serait prétentieux, mais un peu différent de ce que je faisais d'habitude. J'avais envie de tester des trucs et je me suis fait un petit kiff. Je bosse sur d'autres vidéos actuellement, mais j'ai fait le choix, au vu de l'évolution des choses, d'attendre que toutes les boutiques, librairies, etc. réouvrent, parce que j'ai pas envie de mettre en avant des titres que les gens vont galérer pour aller trouver s'ils les ont pas trouvés, s'ils les ont pas encore. ce qu'on fait. Et de les diriger. Non, pas nécessairement. Mais ben, après, c'est, je, voilà, j'ai pas forcément envie de mettre en avant des titres que les gens vont vouloir acheter tout de suite, ou alors vont se dire ah ouais super, et puis ben, justement vont pas forcément pouvoir. Je sais que vous avez un public et des auditeurs assidus et qui sont dans la même mouvance et la même dynamique de on attend, ou alors on a notre libraire avec qui on est en contact et on peut se faire mettre des trucs de côté, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de risquer en gros de renvoyer des gens vers Amazon ou autre. Donc je me suis dit que j'allais attendre, de toute façon j'étais pas pressé, donc voilà. Et mais j'ai des vidéos qui sont en travaux. J'en ai deux qui sont en travaux actuellement. Eh ben, c'est plein de suspense tout ça. Ouais. Avant qu'on se quitte, je voulais quand même te dire, mais sans pommade, sans rien du tout, que c'était vraiment mais un plaisir, et pas que pour moi, de te recevoir ici et puis d'avoir le plaisir, l'honneur de t'avoir à nos côtés, et que non seulement, okay. Bah voilà, même si par la force des choses, mais c'est absolument pas un reproche. Tes vidéos se sont fait un petit peu plus rares. Ceux qui peut-être les ont oubliés ou ne se rappellent pas forcément de toi, allez les voir, parce que ces conseils lecture sont toujours d'actualité, et c'est un ton particulier, c'est fin, c'est précis, c'est ciselé, c'est expert mais à la fois pédagogique, c'est tout ce qu'on aime sur YouTube. Ça fait vraiment partie des à mon sens, des toutes meilleures chaînes comics qui peuvent exister en VF. Mystery Onda, c'est à mon sens, à mon goût, une institution, et voilà, c'est tout simplement génial. Oh, oh ben je reviendrai. Mais c'est bon, la même chose sur un singe en hiver tout à l'heure. et Jérém, alors toi, ça n'arrête pas en ce moment. Toi, plus on te confine et plus t'as des projets. Je suis au taquet, mais c'est dur de passer après Yanda, parce que moi aussi je suis super fan de Mister Yanda, que je lui avais déjà dit, mais c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube avec Rétrophile. Ah ouais. Et il y a une vidéo que je peux vous recommander justement de Yanda, donc j'en parle souvent, c'est la vidéo que je recommande à tous les gens qui démarrent d'ici. C'est la vidéo qui s'appelle Au-delà du comics, c'est la continuité avec DC Rebirth, où tu expliques justement cette continuité de chez DC jusqu'à Rebirth. Je trouve c'est, pour moi, je trouve cette vidéo, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'univers DC, c'est une super vidéo et je la recommande. Donc voilà, je voulais juste dire ça avant de parler de ma chaîne. Merci. Tu sais que j'aime beaucoup ton travail. Merci. Même si tu lis pas de Daredevil. Oui, alors ça, c'est un challenge qui est en cours depuis longtemps, la lecture de Daredevil. Ouais. Mais j'y crois, un jour, ça arrivera. Attends, si, attends, j'ai lu un single de la dernière série. Ah ouais. Merde. Ça s'appelait Nightwing. J'ai pas compris d'ailleurs, il était pas aveugle, il était en noir et bleu, c'était chelou, mais c'était vachement bien du coup. Ouais, mais lui il meurt pas sur une pierre. Le nom. Ah, d'accord. Ça va le poursuivre. D'accord. Mais ça m'a donné vachement envie cette anecdote, moi. C'est vrai. Je vends les miens. Hein. Je suis sérieux. Ça fait 3 mois que t'essayes de nous leur fourguer tes merdes. Ah ouais. Mondial Jérém, Rally, fermé, écoute-les pas, Jérém, à cause de instant, ça. Il est pour toi. A priori, tu as, en plus de tes vidéos dont tu vas nous parler, tu as ouvert une chaîne secondaire avec un copain à toi. C'est ça. Bah alors en fait, moi, ma chaîne, je parle à mon niveau de comics, donc de mes lectures. Donc là, par exemple, j'ai un format que j'ai depuis un petit moment qui s'appelle Fréquence Jérém. Je parle de 3 comics, donc de lectures récentes et d'un film ou d'une série. Je me suis dit, ça permet aussi de varier un petit peu au-delà du comics. J'ai fait aussi des vidéos sur des personnages, enfin des choses comme ça, des dessinateurs aussi, si ça vous intéresse. J'ai fait des vidéos sur Olivier Coipel, sur McFarlane, etc., sur leur parcours, donc si jamais ça vous intéresse de découvrir ça. Et en effet, j'ai lancé une chaîne secondaire il y a peu de temps avec un pote, qui s'appelle Tire-toi une bûche. C'est une expression québécoise qui veut dire en gros, bah prends un tabouret, installe-toi autour de la table, et puis bah discutons. C'est une chaîne en fait où on parle un peu de tout. Et là, je me suis fait un délire. J'ai fait une vidéo de 30 minutes où je vous parle de Matrix. Donc pendant 30 minutes, je vous parle de l'amour que j'ai pour Matrix. Et ça peut être divers sujets. On a fait des vidéos sur les collections. Donc là, c'est une vidéo sur notre ressenti en tant que collectionneur. Donc mon collègue va plus faire il est plus jeux vidéo. Moi, je suis plus comics. Mais du coup, on voit que nos passions se recoupent finalement. Et en fait, tout se retrouve dans cet univers. Donc c'est vraiment un petit délire, c'est une petite chaîne pour le fun. Voilà, c'est un petit truc sympa. Et moi, je suis surtout, et depuis longtemps, fan de ton travail sur ta chaîne, à toi, les comics de Jérém. Parce que, si je peux dire, et c'est tout à fait franc et honnête, beaucoup de bien de Yanda, je peux dire mais vraiment la même chose, mais pas pour les mêmes raisons, de ton travail. Parce que à chaque fois, les fréquences Jérém, c'est franchement, moi j'adore ces petits moments. C'est comme des mini-podcasts de 20-25 minutes, où on est à la cool avec toi, quelques conseils, lecture, d'un fan de comics, et ça, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que moi, je te connais un petit peu, du coup, maintenant, on s'est déjà vu sur Lyon, etc. D'ailleurs, tu viens jamais à Saint-Etienne, t'es un vrai salaud, mais tu m'étonnes, mais en même temps, maintenant que tu le dis, c'est vrai que... C'est ouais, effectivement, vaut mieux que je vienne sur Lyon. Pour le coup, c'est sûr et certain. Ah oui, voilà. Sinon, début des hommes, c'est sympa quand même. Mais bon, bref. Et c'est vraiment, c'est ton travail, c'est vraiment un reflet de toi-même. C'est gentil, c'est bienveillant, c'est pointu, c'est accessible. Et il y avait je crois qu'il y avait Rio qui connaissait pas ton travail sur Twitter. Enfin, il nous en a parlé sur Twitter. Et voilà, s'il y a des gens qui connaissent pas ton travail, ça fait partie de la base des youtubeurs pour aller apprendre, pour avoir des bons conseils sur des bons comics. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des chaînes à 20, 30, 60 000 abonnés. Voilà, non, des lecteurs lambda qui font ça avec le cœur, avec passion et avec une certaine expertise, et vous avez tout ce qu'il vous faut avec Yanda et Jérém. Merci beaucoup. Tu as soulevé un point qui est effectivement très vrai pour Jérém et par extension par tous les gens autour de moi ce soir. C'est un truc que j'aime beaucoup chez Jérém, c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui fait ça et qui parle de trucs qu'il aime et qu'il est passionné et que c'est un vrai fan. Mmh. Et ça, c'est cool. Carrément. Il n'y a pas de... Merci. Comme tu as dit, c'est vraiment... C'est effectivement l'ambiance à la cool et ça n'a rien de péjoratif ou de condescendant. C'est au contraire, c'est hyper chaleureux. Mais voilà, tu sais, c'est vraiment une... Comme tu disais... alors, la chaîne secondaire, je ne suis pas allé voir, mais je ne doute pas que ça soit de la même ambiance. C'est clairement, tu te poses devant ton ordi et tu regardes une vidéo de Jérém, et c'est comme si tu étais dans la même pièce qu'un pote et que tu parles d'une passion en commun avec un pote, quoi. C'est ça, mais c'est pareil dans... si tu le croises à Comic Zone ou que tu discutes avec lui sur Messenger ou au travers d'une de ses vidéos, c'est pareil. Il joue pas un rôle, c'est toi, donc c'est génial. Ouais, merci messieurs, ça me touche. Et on te touchera après, mais t'inquiète pas. On va attendre un peu. C'est pas possible. Jules, Nico, on va pas présenter encore votre travail. Il y a les RDTT, moi je suis fan des Brockhunters, de toute manière. Brockhunters. Team Brockhunters. Moi j'adore. Et ce générique, enfin voilà. Et de toute façon, tout votre travail, ce que vous faites avec lescomics.fr, c'est pareil. On le dit à chaque fois, mais c'est tout autant génial. Allez-y, foncez, allez regarder ce qu'ils font, c'est absolument merveilleux. Mais on va arrêter de le dire parce que vous êtes là chaque semaine quasiment. C'est ça, c'est donc, ça. C'est trop. Et on c'est va... très gentil, c'est gentil, mais. Non, mais c'est ouais. Sincère. On invite vraiment que les gens qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas envie de mettre en avant parce qu'on est personne pour mettre les gens en avant, mais qu'on a envie, on a envie de passer une bonne soirée avec eux. Voilà. On va pouvoir passer aux questions, si vous êtes d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, on va pouvoir quand même passer aux questions. J'ai le droit de vote, moi, du coup ? Pas du tout. Alors toi, ton droit s'arrête là. C'est déjà pas mal. Parce que Jay, sinon, on en a pour une heure. Oui ? Tu voulais pas annoncer le round 4 aussi ? Si, oui, tout à fait. Le round 4, ce sera samedi, avec des gens qu'on aime aussi énormément du fond du cœur. J'ai envie de dire, c'est des vieux de la vieille du podcast. Ça fait des années et des années qui sont présents pour nous parler de comics. Et c'est des copains de Comic City. Et voilà, ce sera Sam et Steve qui seront avec nous samedi pour une petite soirée geekerie à la cool. Ce sera peut-être pas autant structuré que ce soir, mais voilà. Il va falloir être au niveau, hein, mon gars, parce que comme Kitty, il y a du lourd. Hein. C'est ah ben attends. Il y a du lourd. Bah en même temps, il y a du lourd aussi avec vous, hein. Donc voilà. Mais Comic City, c'est, enfin voilà, si vous ne connaissez c'est pas du ce vrai podcast. Lourd, C'est un essentiel. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus samedi. Et c'est pareil, c'est un putain de bonheur, un putain de plaisir de les avoir avec nous. Voilà. Et donc les questions, on a les comics de Fred qui pose une question à Mister Yanda. Est-ce que tu as lu Batman Détective tome 2 et quel est ton ressenti? Eh bien non, je ne l'ai pas lu parce que je suis en retard sur mes lectures actuelles et donc Détective tome 2, je n'ai pas lu. Putain, je regrette d'avoir dit autant de bien de toi. Putain, tu vois. Ah, mais je suis à la bourre de ouf et notamment sur la série Détective Comics. Ouais. Où je suis encore à l'intitulé Détective Comics. Donc je suis pas encore arrivé au Détective. Au Batman Détective, pardon. Bah prends ton temps. Ouais, ouais. Je te presse pas. A priori, ça, c'est... Je savoure les Détective Comics. Ouais. On va voir. Et du coup, une question du petit Jules de la chaîne Jules et Nico qui voulait savoir si Injustice c'est bien. Non. Enfin, si je peux juste apporter une précision. Non. J'entends vraiment deux sons de cloche. Il y a vraiment des gens qui disent c'est vraiment cool machin. Et puis des gens qui me disent je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien surtout. Et puis d'autres qui, comme toi, sont plutôt dans l'autre camp, quoi. Dire que c'est vraiment, vraiment pas terrible. En fait, je voulais vraiment avoir un avis. C'est assez simple. Il y a des gens qui ont du goût et il y a des gens qui n'en ont pas. Voilà. À partir du moment où un mec se pignole sur un gars en short violet et qui se peinture la gueule en vert, je pense que tu sais placer ton curseur. Donc voilà. Après. Pour répondre de façon un peu moins taquée derrière la tête. On était sur un double coup de genou sauté, hein, quand même. Hein. On était sur un high kick, comme tu l'as si bien défini tout à l'heure. Magnifique. Hein. Voilà. Non, en fait, Injustice, le concept. Enfin, moi, je trouve le concept absolument génial. Alors, au-delà du rapport bouquin jeu vidéo, je trouve très cool de filer les clés d'un univers d'ici à un auteur. Alors, en plus, Tom Taylor, en lui disant, tiens, tu fais ce que tu veux. Il faut juste que ton point d'arrivée, ça soit ça, puisque la première salve de Injustice, donc les 10 premiers tomes, en fait, la conclusion. C'est le point de départ du jeu vidéo. Donc, du coup, ils sont arrivés et ils ont dit tu fais ce que tu veux avant, mais il faut qu'à la fin, on en soit à ce moment-là. Et le mec se fait plaisir de fou. C'est-à-dire que si t'as un peu l'habitude de lire des trucs un petit peu convenus au niveau de ce qui se fait dans l'univers DC avec les héros, etc. Il en a rien à foutre et il fait vraiment ce qu'il veut. Donc il y a des choses très très très intéressantes. Après, c'est un peu long. C'est un peu long. Il y a des trucs vraiment intéressants. Il n'y a pas de vraie fin parce que il n'y a pas de vrai début non plus. Il y a un vrai point de départ qui déclenche derrière tout un tas de trucs. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Ben voilà, le fait de faire vriller Superman sur un truc crédible et tangible, c'est cool. Et ça déboule derrière sur tout un tas de choses qui sont logiques et qui sont, moi, je trouve très bien faites par Tom Taylor. Après, moi, je me serais arrêté. J'aurais peut-être pas fait l'année 5, quoi. J'aurais fait aller deux tomes en moins. C'est un petit peu longué sur la fin, mais en tout cas, les trois premières années, donc les six premiers tomes, vas-y, sans aucun problème. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va enchaîner parce qu'on est déjà à 2h30 l'émission. Donc, il nous reste trois petites questions. Et après, on va se... Première, tu m'as fait venir, donc tu m'interromps pas, d'accord. On va, va t'asseoir, Toi, mon pote, t'as intérêt à m'inviter pendant un live. Hein. Je te garantis. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc sur Injustice, un petit point vite fait. Mais je t'en prie. Pour des personnes qui lisent peu de DC Comics. Donc, je rigole. En fait, l'avantage que je vois aussi sur Injustice, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de l'univers DC en un temps qui est plutôt court, en fait. Donc, on découvre aussi des personnages qu'on connaît peut-être pas si on n'est pas un lecteur de DC régulier. C'est aussi un point positif que je vois à cette série, moi. Et si vous connaissez pas Nightwing, bah ne lisez pas Injustice, hein, parce qu'il n'apparaît pas longtemps. Hein. Nightwing, c'est... La torticolis. Voilà. On sent que Tom Taylor, hein, il l'aime, ce personnage. Hein. Pouh, Lilan. Il le kiffe, hein, le Nightwing. Hein. Bref, on a une question de Mister No pour l'ensemble de cette table virtuelle. Quel est votre personnage comics que vous détestez? Yanda. Oh putain! Hulk, merci! Non, ça c'est la réponse facile. Un personnage que je déteste. Putain, ouais, merde! Attends, je regarde vite fait au niveau des bouquins. Nico! Ouais, voilà, fais un tour, je réfléchis et je reviens. Iron Man. Oh là là là. Oh putain. Jules. Salut. Ah oui. Quand même, plus Tony Stark qu'Iron Man en fait, mais l'alter ego, les deux, c'est des connards. Mais tu après Civil War ou avant Qu'est-ce que Civil j'ai dit War. Comment Qu'est-ce que c'est oh non, mais toute époque, hein, il aime pas. C'est toute époque. J'aime pas. Ouais. Non, je déteste littéralement. Ah ouais, littéralement. On est sur du gros je connard. Je te dégage à coups de pied au cul de la bagnole la prochaine fois, mais alors. Jules, un personnage que tu détestes. Non, mais c'est hyper compliqué, hein, franchement. Oh putain, les gars! Attends. Vas-y, fais un tour. Ça y est, j'ai. Oh là là, j'ai là, moi. Non, alors, Yanda. J'ai. Harper Row. Ah ouais, évidemment. Batman, c'est pas faux. Avec les cheveux violets et tout ça, là. Elle ne sert à rien. Elle est useless au possible. Voilà. Nul. Nul sur 20. Jérém. Bah moi, il y a pas vraiment. Alors à part Hulk rouge, comme j'ai dit, parce que c'est pas. Enfin, j'ai pas ouais. kiffé. Mais il y a plus un personnage que j'aime détester, c'est Loki en fait. Loki, à chaque fois, c'est un tel fourbe qui, des fois, on se réattache, on se dit tiens, il va se rattraper, et non, il refait une crasse quoi. Du coup, j'aime détester Loki. Il est bon. Il est bon, Jérém. Hein. Yeah, on a tous bon. Commencé à cracher notre venin et tout. Dit, moi, le personnage que j'aime détester. Oh, voilà. La bienveillance. Ah ouais, toujours. La là, c'est trop quand même. Là, ça m'en donne, faut le lâcher. Quand même. Bon alors, Jules, t'as trouvé ou pas? Oh, franchement, mais que je déteste ou que j'aime plutôt pas. C'est chaud. Non, mais c'est chaud. Franchement, tu vois, je suis en train de. Ouais. Putain, je suis content de t'avoir appelé. Suis... Toi. Oh putain. Je suis pas. Non, je suis pas fan du côté Boy Scout pour être en à contrario de mon compas. Je suis pas du tout fan du côté Boy Scout de Captain America qui me gonfle parfois prodigieusement. Mais voilà, ça, je le déteste pas pour autant. Disons qu'il y a des récits où le côté Boy Scout m'énerve prodigieusement. Et où je suis complètement Team Iron Man. Voilà. Spider-Man Je dirais Ben Reilly. Oh, quelle honte! Ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est honteux! C'est honteux! Ça, c'est ouf, ça, par contre. Ouais, c'est. Ah putain, si! Ouais, c'est vraiment. Voilà, puis. Dans un sens, tout ce qui était arrivé avec la saga du clone, au final, bah, ça ne servait à rien. Et puis maintenant, quand il revient dans les comics, il fait chier, ces histoires-là sont nulles. Donc. Ouais, non, j'aime pas. Oh là là. Puis-je revenir sur mon choix, s'il vous plaît? Alors toi... Non, je suis désolé, je vais aller très vite. Le personnage avec lequel je vous l'avais dit. Mais non, écoute, si, lequel j'ai le plus de mal, et vous allez tous d'accord avec moi, ceux qui me connaissent un petit peu, c'est Green Lantern. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce personnage. Bon, allez, si c'est pour dire de la merde, dire la peine. Laisse-moi finir. Tu m'as vendu à fond. Geoff Jones présente Green Lantern. Il est commandé, il est chez mon libraire. Et pour l'instant, il est là-bas. Hein. Je et peux comme pas, par hasard, il y a le confinement. Comme par hasard. Comme par hasard, tout à fait. Mais il est vrai qu'à chaque récit que j'ai lu de Green Lantern, alors j'en ai pas lu des milliers et des cents non plus, bah c'est pas un personnage qui m'attirait de ouf, quoi. Et je me souviens notamment Rebirth avoir entamé du Green Lantern, et je m'étais fait chier, mais alors d'une force. Vraiment, ça a été un calvaire. Et du coup, non, j'attends. Mais comme on en discutait la semaine dernière avec Superman, j'attends le récit qui me fera changer d'avis et qui me fera aimer le personnage. Et je pense que, enfin, quand je vous en entends parler, les gars, Geoff Johns présente Green Lantern, j'ai l'impression d'être un illustre connard si je ne trouve pas ça, un tant soit peu, bien. Bah, donc j'attends avec impatience. Tu peux pas vraiment donner un avis sur Green Lantern tant que t'as pas lu ça, je pense. Bah non, mais voilà, non, mais complètement. Du coup donc, voilà. Qu'est-ce que t'as dit non, mais voilà, c'est tout ce que j'ai lu me vendait pas du rêve du tout, quoi. Et du coup, j'ai hâte vraiment de le lire. Merci. Voilà. Pardon. Merci. J'ai fait vite. Attends, tu me poses une question. C'est beaucoup trop long. et on a une question de Vanessa. Quelle musique écouter en lisant du comics? En ce qui me concerne, c'est la Compagnie Créole, mais après, chacun voit midi à sa porte. Yanda. Bernard Minet. Je t'invite, Vanessa, à aller voir sur Twitter. J'ai posté il n'y a pas longtemps une playlist SoundCloud de Synthwave qui a été faite par les scénaristes du comics The Weatherman, qui est une playlist à écouter en lisant The Weatherman, qui fonctionne très très bien. Moi, plus sérieusement, j'écoute rien du tout en lisant. J'aime bien le silence. Jules, Nico, Jérém. Oui. Alors, juste, je vais te faire très vite du coup. Pour moi, la meilleure des bandes son, c'est être le cul dehors avec les petits oiseaux qui chantent et le soleil qui te caresse la peau. J'adore ça. Tout à fait. je ne connais pas cette personne. Mais pourquoi? Non, mais. On va pas divorcer en direct. Nico, du coup, pour toi? Étant donné que je lis beaucoup de comics le soir au lit, c'est au doux son du ronflement de ma femme. Pas mal. C'est beau ça. Je ne connais pas cette personne. Non, mais comme j'écoute rien de spécial. Et là, Mister No sur le chat dit Punk Rock Jesus et CBO. Effectivement, Punk Rock Jesus propose à chaque chapitre un titre à écouter. C'est surtout du gros son. Marilyn Manson, Rob Zombie. Oui, mais. Ouais, mais bizarrement, quand c'est lui, ça fait pas pareil. C'est dingue. Hein. Voilà. Et toi, Jérém? Moi, je suis pas très musique non plus en lisant, mais j'aime bien. Alors, c'est un peu surprenant, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un acteur qui fait de la musique, de jazz, qui est Jeff Goldblum. Putain, je suis allé dire Michel Leb. Non. Il fait du jazz. Il a fait deux albums, je crois, et j'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est hyper apaisant. Donc, si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller écouter ce que fait Jeff Goldblum en jazz. Et Michel Leb. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Mais je déconne pas, Michel Leb, c'est un putain d'expert en jazz. Et attention, il s'y connaît, mais vraiment à mort. Hein. Ça fait partie, je crois, même des meilleurs experts français hein, sur le sujet. Alors, et c'est ouf parce que quand vous avez parlé tout à l'heure de 12 hommes en colère, j'ai tout de suite pensé à la pièce qui est ouf, par contre, avec Michel Lamy. Tout à fait, j'ai aussi, et il est génial à l'intérieur. Mmh. On est très très loin du Bourdon et toutes ces conneries, quoi. Vraiment à des années-lumière. Ah, ouais, carrément. Le chinois. Lui aussi. Ouais, Et donc une dernière question de Vanessa, après on va pouvoir se quitter. Le premier comics que vous achèterez quand vous pourrez sortir. Yanda. Oh putain! Mais pourquoi c'est toujours moi qui commence? Je sais pas. Putain! j'ai même pas le temps de réfléchir, quoi. Jérém. Merci. C'est pas vrai, ça. Bah, moi, ça sera Gideon's Falls, le tome 3. Parce que j'adore cette série. Donc, Spider-Man. Impatient. Alan Moore présente Something, tome 2. Nico. Oh putain. Oui, bah à un moment donné, vous devez vous y attendre que je vais vous appeler. Vas-y. Alors, moi, effectivement, du coup, ça aurait été Geoff Johns présente Green Lantern, mais je l'ai déjà payé. Donc, ce sera un Marvel Icons, sûrement du Punisher de Denis Dillon. Très bon choix. Très bien. Ah, du coup, ouais, si, le Wonder Woman 80. Ouais. Pourquoi ils ont appelé ça 80 alors que c'est pour les 75 ans et que c'est pour le numéro 750? Elle a 80 piges, je crois, elle aussi. Bah non, c'est 75. Ah, Marvel a bien fait Marvel 1000. C'est pas faux. Ils se sont dit du brin, nous, elle aura 80 ans, puis c'est tout. C'est pas faux. Ça, voilà. C'est rond 80, c'est bien. Si j'en crois notre photo de miniature, elle a bien ses 80 balais, hein, dis donc, hein. J'allais faire la même. J'allais faire la même. Bien conservé. Hein. Et toi, du coup, Jérém? Attends. Moi, je l'ai déjà dit, moi. Eh oui, c'est vrai. Léon Falls, si ah ouais, c'est vrai. C'était ouais, juste pour ça. Ce... Tu t'en rappelais même pas. Si, si, mais il y a une autre. Après, il y a mes VO qui sont dans mon casier qui m'attendent chez Comic Zone parce que je continue toujours. Le Curse of the White Knight. Ouais. Et puis Valkyrie aussi. Donc là, c'est les séries que j'attends en VO. Et toi, mon cher Yanda, ça y est, tu as trouvé? Ouais, je pense qu'en VF, ça sera le Naomi de Brian Michael Bendis. Parce que j'avais lu le numéro 1 en VO et j'avais bien aimé. Avec Jamal Campbell en plus au dessin, donc ça plutôt cool. Et en fonction de la fin du confinement, j'irai peut-être aussi récupérer du coup le numéro spécial VO pour les 80 ans de Robin, avec toutes les histoires courtes dedans d'une rafale de scénaristes tous plus talentueux les uns que les autres et de dessinateurs au même rang. Wolfman, Chuck Dixon, Tom King, Michael Ranin, James Staninfort, Peter Tomasi. Enfin voilà, c'est du beau monde, du condensé dans un numéro spécial pour les 80 ans du personnage. Et ça, c'est en VO, du coup. Ça, ce sera en VO, ouais, ouais, ça, c'est de la VO. C'est prévu pour avril, normalement, je crois, okay. De mémoire. Et moi, ce sera du DC, c'est sûr et certain. Ce sera Identity Crisis, c'est sûr, parce que je l'ai qu'en démat et je le veux en dur. Et voilà, ça, ce sera le premier truc, clairement. Clairement, clairement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée, les amis? Excellente. Carrément. C'était très bien, merci beaucoup. Et bah, écoutez, merci. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Alors, pas de la manière de Jules, hein, parce que là, vraiment. Mais moi, je vais faire ça maintenant. Je vais venir sur la fin. Tu sais que t'en es capable, en plus de venir comme et ça. Je viens sur la fin et je règle les comptes. Tu vois. Comment ça, t'as pas aimé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Vraiment, c'était un véritable plaisir de vous recevoir encore une fois. Et puis, voilà, les gars, vous revenez quand vous voulez. Hein, un mot de votre part et on réussira toujours à vous trouver une petite place dans l'émission. C'est toujours un plaisir. Abonnez-vous à la chaîne de Mister Yanda et suivez son travail. Pareil pour Jules et Nico. Pareil pour Jérém. Merci, un très, très grand merci au chat d'avoir répondu encore présent ce soir. Un grand merci à celles et ceux qui nous écoutent en podcast, en redifféré. Faites tous et toutes et tous très attention à vous, faites attention à vos proches, prenez soin de vous et on vous dit à samedi pour un round 4 d'anthologie avec Comic City. À très bientôt, des bisous, au revoir. Salut. Salut. Ciao, ciao. Ciao.